Moteur, moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez l'enregistrement. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans Inter Ennui, épisode 2. Et comme vous pouvez le deviner, évidemment, je ne suis pas tout seul, comme la dernière fois. Je suis accompagné de 4 acolytes. J'adore le mot acolyte. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? On va commencer par toi, Samy, le petit bougre. Alors bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samy Sedkaoui. Quelques études cinématographiques à mon actif et pas grand chose de plus. Donc voilà, je pense que ça suffit en termes de présentation. Maintenant à ton tour. Bonsoir, bonjour à tous. Moi je suis Lily Dubois. Tout comme Samy, j'ai fait quelques études cinématographiques. Pas, toujours pas beaucoup. Hein. C'est toujours pas beaucoup. Quelques, quelques études. Et voilà, passionné de cinéma en tout genre. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Simon Cello. Je n'ai pas fait d'études cinématographiques, mais j'ai ma carte UGC limitée, donc ça compte. Ça compte. Je rappelle que dans Intérieur Nuit, si tu es un vrai cinéphile, si ton film préféré c'est Citizen Kane, est-ce que c'est le cas? Non. Tu n'es pas donc. Tu n'es donc. Mais pas désolé, mais j'aime bien ce film. Mais ouais. Voilà. Mais tu préfères Les Juges 4? Non, quand même pas. Tu es de mauvais goût. Vas-y, Lise, je t'en prie. Bah, tu as encore spoilé, mais salut, moi c'est Lise. J'ai quelques études de cinéma à mon actif également. Et je ne suis pas une cinéphile car je n'ai même pas vu Citizen Kane. T'inquiète pas, moi non plus. La révélation. Ah oui, moi je me suis pas présenté. Moi c'est Antonin, mais de toute façon vous allez m'entendre à chaque épisode, donc au bout d'un moment vous allez reconnaître ma voix. Alors, le thème. Attends, bah non, déjà. Qu'est-ce que c'est un terrain de nuit? Si quelqu'un écoute pour la première fois. Parce que c'est bien gentil de savoir qu'on est 5 autour de la table, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un veut le dire ou je spoil encore une fois? Oh, tu peux le spoiler. Hein, ouais, on t'écoute. Il le fera mieux que toi. Eh bien, Intérieur Nuit, c'est un podcast où on va parler d'un genre de cinéma pour en décortiquer un petit peu les tropes, les clichés, tout ça. Et ensuite, on va en écrire un à notre sauce. Voilà. Très bien. Quelconque. Et aujourd'hui, le genre, c'est la science-fiction. Je n'ai pas d'effet. J'ai pas encore de soundboard, mais sinon j'aurais fait un. La soupe aux choux, notamment. Je l'ai dit avant toi, Samy. Alors, pour commencer, la science-fiction, est-ce que quelqu'un peut me donner sa définition, ce à quoi il pense directement quand on dit science-fiction? Futur, directement. Futur. Pour moi, c'est vraiment. C'est notre monde tel qu'il est, dans un univers plus ou moins. Proche, ou même très lointain, qui du coup avec forcément des technologies, souvent il y a ce côté très technologie, et puis voilà, après ça peut être une dystopie, ça peut être dystopie, voilà. C'est ça, le genre englobe énormément de sous-genres en fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai que dans la discussion Messenger avant d'enregistrer, ça dit alors science-fiction c'est bien, on a choisi le genre, maintenant quel genre de science-fiction? Car c'est un genre à part entière, hein. Très très très large, ouais. Qui va de Blade Runner à la soupe chaude. Tout à fait. Donc c'est plutôt vaste. Alors, souvent, on posait une définition assez large, hein, de science-fiction, on va approfondir juste un peu après. Vous, c'est quoi votre expérience par rapport à la science-fiction? Je sais pas, Lily par exemple, quel est ton. Tes premiers films de science-fiction que tu as bien aimés, tes préférés, ceux qui t'ont fait détester le genre, je ne sais pas, je ne suis pas à ta place. Bien, moi je suis une enfant fan de Star Wars depuis la première heure. C'était ensuite, son père. Voilà. et c'est mon père qui m'a fait découvrir surtout. Et ensuite j'ai un peu décroché avec le genre quand je me suis plus intéressée au cinéma. Et là j'y reviens un petit peu avec. Des productions plus récentes auxquelles j'accroche plus. Et voilà, mais sinon Star Wars c'est quand même mon film culte de science-fiction évidemment. Ok. Et voilà. Et d'ailleurs Star Wars qui se passe dans le passé, donc tout ce oui, que tu disais vrai. Tout à l'heure, tout à nul. Ouais. Bah, je ne savais pas. Ah bah dans une galaxie il y a très très longtemps. Il y a très, enfin, très longtemps. Ah, non, je crois que c'était très lointain. Déjà genre il y a 200 ans. Ouais, c'est lointain et longtemps. Bah oui. Très bien, mais ok. Super intéressant. C'est pour ça que là maintenant ils sont plus là. C'est vrai. Lise, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, parce que je partage un micro, donc c'est vrai. Alors, faut dire qu'on n'a pas énormément de budget, ok. Avec ce que j'ai, j'ai que 4 micros. Alors, la SF, moi je pensais ne pas du tout en regarder jusqu'à ce que je tape science-fiction sur internet et que je vois que les trois quarts des films, je les ai vus en fait. Du coup, voilà. Parce que c'était quoi l'image que t'avais de la science-fiction avant? Un truc très. Ouais, Star Wars. Tu peux dire soupe aux choux. J'ai même pas vu la soupe aux choux, honte à moi. C'est mon film, Antonin. Ouais, je laisse à Samy l'honneur d'en parler. Mais ouais, pour moi, c'était Star Wars et ça s'arrêtait là. Et je les ai vus et sans plus, en fait. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Il y a 6 films, il y a 9 films de science-fiction dans tout l'univers. Voilà, bah, 8 si j'ai pas vu le dernier. 11 si on compte les films de Rogue One. Il y en a 3. Voilà. Et il y en a 1, c'est le 5. C'est le meilleur. Bah, Samy, vu que t'as l'air de vouloir parler de science-fiction. Tout à fait. Si tu dis soupe aux choux, je te mute. Alors, tu as trop parlé de la soupe aux choux. Je te laisserai l'honneur d'en parler un peu plus tard. Pour moi, la SF, c'est l'espace. C'est hyper cliché de le dire, mais pour moi, c'est l'espace. Donc, évidemment, je citerai Star Wars, bah, la pop culture, etc., qui est vraiment hyper ancrée dans notre génération. C'est pas possible de passer à côté de Star Wars. Peut-être Adèle, je ne sais pas si elle a vu les Star Wars. Bah, écoute, on est deux, finalement. Tu n'as pas vu les Star Wars ? Non, j'en ai vu 3. Et c'est pas dans l'ordre. Bien. C'est déjà bien. Et non, et j'ai regardé Solo. Ah, non, pas Solo, non, l'autre Rogue One. On s'abasse un peu. Il est trop bien, Rogue One. Et là, je me suis dit, putain, pourquoi ils sont pas comme ça, les autres? Pour moi, clairement, c'est l'espace. Et au-delà de Star Wars, je citerai antérieurement 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film charnière, Kubrick, que j'adore. Charnière, et un film gong, exactement. La thématique de la porte. Et plus récemment, Interstellar de Nolan, qui est pareil, très difficilement esquivable, je dirais. Donc voilà, quand on parle de science-fiction, c'est un peu compliqué de ne pas parler de 2001 déjà. Déjà, quand on parle de cinéma, c'est un peu compliqué de ne pas parler de Kubrick. Alors aussi. Que tout le monde n'a pas vu les films de Kubrick, je suis désolé. On a tous vu au moins un, parce qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Oui, si, sans doute en vrai. C'est vrai. Mais oui, 2001, après, c'est un peu normal parce que c'est un ovni, sans mauvais jeu de mots avec la SF, c'est un ovni de l'époque qui a... Je sais pas s'il a survécu autant, parce qu'en vrai, tu le regardes maintenant, c'est un peu... Il a pas si mal vieilli, moi. Moi, je pense qu'il a... Sur le rythme, il a beaucoup vieilli. Parce que c'est plus du tout... Enfin, il est ancré dans son époque, dans le bon sens du terme. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu compliqué de pas parler de 2001. De pas parler d'Interstellar, c'est un peu plus récent, mais c'est l'un des films qui a été le mieux voté sur tous les sites de critiques ou je sais pas quoi. C'est hallucinant. Il a eu des Oscars l'année de sa sortie. Bonne question. Les Oscars, je ne suis pas trop, mais je pense qu'il a dû au moins en avoir pour les effets spéciaux ou la musique. Ou alors il l'a dans mon cœur. Je pense qu'il l'a. Ça vaut tous les Oscars du monde. Ça vaut 2,5 Oscars. Et petite anecdote par rapport à ce film, c'est le film préféré de Simon. Moi j'en suis pas vraiment fan. Et alors de notre débat préféré est de débattre c'est... de ce film. Alors je vais pas spoiler, mais la toupie elle tourne à la fin. Rectification. T'as peut-être pas compris le film. C'est surtout sur le débat Christopher Nolan. Hein, c'est-à-dire que je suis assez fan de Nolan. SF. Oh là là, t'es pas original. SF. Ce qui est vrai, mais. Nolan nous fait poser un peu la question de la SF. Parce que est-ce que Tenet c'est de la SF? Parce que c'est de la, entre guillemets, science-fiction. Parce que tu joues avec la science et c'est de la fiction. Enfin. Parce que la science-fiction, on a plus l'impression de voir ça comme les space opéra ou le fantastique, mais il y a aussi des trucs très qui se passent dans ancré, le présent, plus ancré, qui sont de la science-fiction, Blade Runner qui se passe dans le passé, enfin qui se passe 20 ans après, en 2017 normalement. Je sais plus. Mais qui se passe dans un futur assez proche, mais qui du coup est un univers où ça s'est passé autrement, quoi. Oui. Et c'est un peu aussi, enfin c'est surtout du fantastique, mais on a tendance à dire que la science-fiction c'est surtout ça, c'est l'espace. Mais l'espace interstellaire, ça se passe au début, tu vois. Ouais, et puis Tenet, ça déforme la réalité, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut l'inclure dans la science-fiction. Et puis il y a une question de temps aussi, qui est quand même un des thèmes principaux de la science-fiction, quoi. et des films de Nolan. Et du coup, la science-fiction, c'est quand même assez intéressant, déjà parce qu'on a parlé de plein de genres de films différents en n'en citant que quelques-uns et qui sont tous de la science-fiction. Vous, c'est quoi le genre de science-fiction qui vous touche particulièrement, ou alors vous en avez rien à battre, ce genre de truc? C'est quoi pour vous la science-fiction, à part ce que c'est j'ai du mal à parler, bah alors Samy. Alors l'espace, je suis perdu dans ma phrase. Mais clairement l'espace, la soupe aux choux, déjà, clairement. tout ce qui est lié aux aliens, les vaisseaux spatiaux, etc. Moi, je veux des trucs qui volent dans l'espace. Ok. Pour moi, c'est ça. Alors que pas du tout. Encore une fois, il y a énormément de sous-genres et de genres dans la SF. Le post-apo, je vous laisse en citer d'autres. Perso, je suis complètement à l'opposé de toi. Tout ce qui est espace, c'est pas mon délire. Oups. Par contre, tout ce qui est post-apocalyptique ou apocalypse et tout, qui parle de temps, justement, il y a des choses. Voilà, il y a des choses qui se passent, mais dans le temps ici, mais enfin, ça peut se passer en 2021, mais dans 6 mois, par exemple. Enfin, je pense aux films qui sont un peu pour adolescents, tout ce qui est Hunger Games, Divergent, la 5e vague, etc. Ah, moi, j'ai plus tendance à dire que c'est du fantastique, de la SF, parce qu'il n'y a pas trop de. Ils essaient pas de te l'expliquer en mode science. Mm. On a l'impression que c'est un peu des films. Après, je vois ce que ça tu dépend, veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire, mais genre Labyrinthe, je crois que j'ai vu que le 1. C'est ce genre de film-là. Même Hunger Games, tu vois. Labyrinthe, c'est un peu des films dystopiques. Il y a un petit. Je dirais SF. Quand même une. Ouais, parce qu'il y a quand même une explication scientifique derrière avec l'éradication de par un virus ou je sais plus trop quoi. Okay. Longtemps que je les ai vus. Par contre, Hunger Games, c'est vrai que c'est un peu de la SF parce que c'est plus loin dans le futur et c'est un. Enfin, c'est toute une construction, une réflexion sur la société. Pour moi, un teenage movie fantastique serait plutôt genre Percy Jackson. Ouais, voilà. Parce que là, il y a de la magie, quoi. Oui, bon, écoutez, faites les malins. Non, mais alors, ça m'a fait penser à un truc. Un truc qu'on n'a pas dit pour la SF, c'est que ça peut prendre plein d'autres genres différents. Par exemple, Alien, c'est un film d'horreur. Ouais. C'est un film de SF, exactement. D'abord. Mais c'est quand même. On a plus tendance à dire que c'est un film. Moi, je sais pas si c'est horrifique ou thriller. Horrifique. Pas trop fait peur, mais c'est un truc film d'angoisse et tout. Mm. Mais c'est quand même le truc de la science-fiction, c'est l'espace, Samy. Ça se passe tout dans l'espace. Fait. Exact. Il y a un gros monstre. Et de la tension. Mais c'est un film d'action et action-horreur, quoi. Ouais. Alors que ça repose sur des trucs de SF. Pareil, les films de zombies, pour moi, c'est de la SF aussi. C'est la question de tout à l'heure, justement. Ouais, on en parlait. Ouais. Parce que c'est un peu virus, tout ça. Ça peut s'apparenter à d'autres genres de films, mais ça reste des trucs qui peuvent être expliqués par la science, mais c'est de la fiction. Et d'où le mot science-fiction, d'ailleurs. Moi, je voulais aborder un truc qui est intéressant, c'est tous les films sur les virus. Oui, depuis qu'il y a le Covid, quand même, c'est quand même hyper marrant de voir. Avec le recul. Ouais. Est-ce que ça reste de l'ASF, du coup? Bah ouais, c'est ça. Enfin, le film Contagion, par exemple. Contagion, il est assez spécial parce qu'il est très ancré. Enfin, il se voulait déjà, dès la sortie, très ancré dans le réel. Ouais, bien sûr. Alors que, des films comme 28 jours plus tard, ça se veut un tout petit peu réaliste, mais tu te dis, bon, en 28 jours, c'est beaucoup. Et ben, en fait, pas tant que ça. Hein, ça va vite. Hein. Il suffirait que le virus, il tue et qu'il se transforme en zombie pour qu'on se dise, bon, allez, 28 jours, ça. C'est crédible, mais oui, les films de virus et tout, il y en a plein. Il y en avait une pelletée dans les années 90-2000. Je ne sais pas pourquoi, particulièrement à cette époque, ça s'est un peu estompé. Après, le film de zombie reste un truc de film indépendant, très très ancré, un peu comme tous les films d'horreur en général. Et la SF aussi, beaucoup beaucoup de films de SF à très très peu de budget, qui n'ont pas forcément des bons films, hein, parce que en vrai, pour faire de la SF convaincante, il faut pas mal de thunes ou d'idées, et généralement il y a ni l'un ni l'autre, ou les deux, c'est vrai. Ouais, les deux généralement. Mais généralement il y a ni l'un ni l'autre, hein, et après ça fait des films assez cultes, hein, mais avec tout ça, tout ce qu'on a dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses et pas beaucoup en même temps, est-ce qu'on pourrait pas isoler des choses du genre de plusieurs genres de SF, par exemple des trucs qui reviennent assez souvent dans la SF? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sous-genres dans la SF, mais qu'est-ce qui fait partie intégrante de la SF. La destruction du monde et de la civilisation humaine. Ouais. Okay, c'est la SF émo. Souvent, il y a une notion de résistance aussi. Un petit peuple ou une petite communauté. Ça, c'est Astérix. Qui... Vraiment. C'est gaulois. Une petite communauté qui résiste contre un envahisseur. Encore et encore, arrête. En armorique. Non, mais contre un danger, oui. Contre un danger, contre leur propre fin, finalement. Mm-hmm. C'est assez profond ce que tu dis. C'est beau. Ou Astérix, c'est l'un des deux. Mais oui, c'est vrai. Ouais, bah, souvent, moi, je vois bien le ciel pollué. Je sais pas. Enfin, de toute façon, la pollution. Blade Runner, Akira, l'orange. Des trucs très. Ambiance limite un peu étouffante en fait. Voilà. Oui. Moi, je dirais critiquer aujourd'hui en parlant de demain dans la SF. Voilà. Ou dire, mais d'un hier fantasmé. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a certains films qui se passent dans soi-disant le passé. Est-ce que le steampunk, ce serait pas un peu de la SF quand même plus totalement. Que du fantastique totalement, et ça se passe un petit peu dans un hybride futur-passé Non, c'est vrai. Mais oui, il y a une critique du présent à partir d'autres époques, ouais. À partir de codes pardon, je cherche un appel en même temps. Bah, félicitations. Alors que c'est moi qui ai dit, mettez en mode avis. Du coup, je reprends. Les codes de d'autres époques pour critiquer le présent, mais après c'est un truc qui est très très ancré dans la SF, c'est même dans les bouquins, parce qu'on n'a pas parlé, on parle que de films, mais en soi la SF ça vient des bouquins à la base. Il y a plein de films, Huxley, ce genre de trucs, Dune, la planète des singes. Dune, on n'a pas parlé de Dune. Décevant. Décevant, je suis pas d'accord, je suis très décevant. C'est tout à fait faux. Antonin, t'es mon ami. C'est tout à fait vrai. Entièrement d'accord. J'ai passé 2 heures longues. 2h30, très longues. Très longues. Ok, on est trois. Je suis pas d'accord. Alors, moi, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le bouquin parce que j'ai vu que ça allait sortir. T'as passé 10 heures très longues. Et le bouquin est beaucoup génial et j'ai trouvé son adaptation parfaite. Ah non, mais on va pas passer 10 ans sur Dune, mais je reconnais juste. J'attends le 2. Parce que là, pour l'instant, c'était une très très longue intro. Très longue attente. Oui, en plus ça sort dans longtemps. Mais Dune, ce genre de truc, non pas 1984, si un petit peu, c'est pas vraiment de la SF, mais ça rejoint un petit peu quand ça même. Rejoint, ouais. En fait c'est assez particulier, parce que 84 c'est le truc que tous les complotistes citent pour dire oh, regardez, on est dans une dictature. et surtout en soi le bouquin est très très bon, parce que tu te poses la question à chaque fois. Donc il n'entre pas vraiment dans un genre en particulier. Et c'est peut-être un peu ça le truc de la SF, c'est que c'est jamais que de la science-fiction. C'est toujours la dystopie, l'horreur, ce genre de truc. Il y a plusieurs genres mélangés en fait. Ouais. En fait la SF c'est une sorte d'enrobage sur le mythe du héros, quoi. J'ai l'impression qui servirait. Merci la moto. Elle est d'accord avec toi. Ça fait plaisir. D'avoir le soutien des habitants de la ville. du coup, je me suis perdu. Tu parlais du héros. Merci, Harley. Le mythe du héros et la situation politique dans laquelle s'ancre l'œuvre. Hein, parce que Orwell, je ne sais plus la date du bouquin, mais c'était au début du 20e. Donc, on était dans une période qui sortait, je crois que c'est juste après la guerre que ça sort. Aucune idée. Je sais pas. Du coup, je vais regarder pendant qu'on parle. Je pense que ça va être dans les années 40. Non, j'ai pas internet, je suis con. C'est un contexte politique. De toute façon, même jusqu'aux années 50, ça marche. On n'est pas une approximation près. Mais un contexte politique où il y a vraiment beaucoup de surveillance, beaucoup de méfiance envers autrui. Oui, 49. Voilà, j'avais dit 50. Ouais, moi, perso. T'étais pas loin. C'était du pif. De la guerre froide et tout. C'était du gros pif. Du coup, la SF, une critique du monde, de la société. C'est ça. Mais moi, il y a des films qui, je trouve, ne sont pas du tout comme ça. Par exemple, le film Seul sur Mars, c'est pas du tout une critique de la société. C'est pas du tout. Enfin, c'est un film juste de SF survivaliste, quoi. C'est la gloire à Matt Damon. Il y a quand même un petit peu ce comment dire. C'est écologique, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu. C'est quand même une petite critique. Ouais, et puis il n'y a pas une histoire de solidarité aussi, tu vois. Genre en mode, faut s'entraider. Mais il est seul du coup. Ouais, mais. Il est où d'ailleurs ? Il est seul plutôt sur Mars, non ? Je crois que tu as deviné. C'était pas Pluton, je sais plus. Sur, seul sur Pluton. La suite. Avec. Putain, c'est petit comme, comme planète. Hein. C'est un astéroïde finalement. Pluton qui n'est plus une planète d'air, je crois. C'est une planète naine. Oui, bon. Ouais. Ah oui, ça fait, c'est il y a quelques temps. Mais ils ont voulu la garder en tant que planète parce que c'était la seule planète découverte par un Américain. Voilà. C'est... Ah super. C'est la NASA. Merci. C'est un classique. Mais oui, après, il y a beaucoup de films de SF américains qui sont très patriotes. Seul sur Mars, on en fait un peu partie en vrai. Mais ce genre de... De toute façon, il y a toujours un message derrière. Après, tous les films, il y a un message. C'est un peu con de dire ça, mais... Oui, c'est sûr. Particulièrement la SF. Dans un épisode, on parlait des comédies françaises. Un peu moins de critiques sociétales. Il y en a quand même, mais c'est plus de critiques sociales. Que là, c'est une critique de l'humanité, on va dire. De l'humanité qui est réduite aux États-Unis finalement. En même temps, est-ce que ce serait pas la Terre finalement? Oui, bien sûr. Parce que Indépendance Day, je te rappelle, ils attaquent les États-Unis. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais tout se passe à New York. Mars attaque. Mais pas que dans la SF aussi. Non, pas que dans la SF. Dans le monde en général. Voilà. D'ailleurs, on enregistre aux États-Unis. Là. Oui, bien sûr. À Los Angeles. Los Angeles. France, virgule, Massachusetts. Il y a comme des exceptions. Oui, non, mais évidemment. Edge of Tomorrow, ils attaquent Londres, je sais pas. Bien vu. C'est vrai. Et la guerre. Avatar, ils attaquent une autre planète. Il y avait quand même. Il y avait quand même un gros parallèle avec la Première Guerre mondiale, avec Verdun, tout ça. Ah ouais. Parce que ça se passe à Verdun. Oui. La grosse truc. Enfin, c'est en Europe, il y a un débarquement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Non, c'est vrai. J'avais jamais fait le rapprochement. Peut-être que le message du film, c'est: et s'il y avait la Première Guerre mondiale maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? Eh ben, la même chose. On va se tuer. Mais ce serait contre des aliens. Ouais. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit en termes d'isolement et tout. Mais je pense qu'on a oublié quelque chose sur la science-fiction. C'est qu'on peut faire n'importe quoi dans la science-fiction et que tout rentre dans la science-fiction finalement. Et qu'il va falloir choisir parce qu'on a on a dit plein de trucs, plein de tropes, on va dire, qui sont pas forcément négatifs, mais vu qu'on va devoir critiquer une société, un fait, enfin ça peut être une critique de, je sais pas, généralement un message écolo, ce genre de truc, il va falloir qu'on choisisse notre combat. Parce que, après, juste je reviens sur un truc, Star Wars, pas beaucoup de critiques sociales. Non. Mais peut-être... Au contraire, je crois que Star Wars est arrivé aussi dans l'histoire du cinéma au moment où, après le nouvel Hollywood, ils voulaient faire que des films de divertissement pur et dur et juste faire du profit, quoi. Donc vraiment aucun message... Enfin, c'était juste regardez, taisez-vous et... Non, il y a quand même des critiques niveau politique, mondiale, non aussi. Je sais pas, ouais, quand dans même. Dans la, pas mal de rêves, oui, mais c'est la prélogie, gros, la prélogie. Oui, dans les 1, 2, 3, oui, la prélogie, mais plus politique. Avec Luc, Léa et compagnie, oui. 4, 5, 6, c'est le mythe du héros appliqué, ouais, voilà, à la c'est lettre. Ça. C'est vraiment... Après, il faut un gros méchant, donc il y a un gros méchant, mais il n'a pas tellement d'histoire de profondeur, en fait, finalement. En fait, on le sait après, mais avant dans le temps, quoi. Oui, c'est ça. Après c'est une époque particulière, Star Wars, et puis c'est un peu le seul gros film de SF qui arrive à se passer de ce genre de message. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi populaire, hein, parce qu'il est facile à comprendre. Blade Runner, je ne connais pas une seule personne aficionados de SF qui n'aime pas ça, mais moins pas beaucoup d'entrée. Ouais. Pas beaucoup d'entrée à l'époque. 2049, moi j'ai adoré. Très peu d'entrées par rapport à des Star Wars, par exemple. Oui. Mais c'est pas la même portée politique, c'est pas la même accessibilité non plus, la même distribution, on va pas se mentir. Ni les mêmes thématiques. Parce que bon, ça ne vise pas le même public, je pense. Non. Oui, c'est simple que ça. Oui, c'est évident. Mais, alors que Dune. Dune, beaucoup alors. D'entrées. Mais on revient toujours à Dune. Est-ce que c'est dû à l'histoire ou au casting? Je pense que c'est surtout Zendaya qui a fait des entrées. Voilà. Et alors qu'on la voit 5 minutes. Chalamet. Après, on la c'est voit autant gosse. Dans la bande-annonce que dans le film. Ouais. Final, donc, ah, tout à fait. Pour ça. Je spoil, on la verra plus dans le 2. Bah oui, évidemment. On s'en doute bien. tant mieux pour elle, hein, ça fait un plus gros chèque encore. mais du coup, nous, ça n'arrange pas nos affaires, donc, qu'il y ait autant de trucs de SF comme ça. Il est l'heure de choisir. Nos batailles. Je sais pas comment procéder. On va pas faire de vote parce que. Ça va être compliqué. Déjà, qu'est-ce qu'on voudrait critiquer? On va partir de là et ensuite on va choisir la forme que ça Lily prendre. Simon, votre voisin peut-être, je sais pas. Ah oui, on a un voisin supportable au lieu où on enregistre. La société individualiste. Voilà, tout à fait. On peut critiquer. Alors du coup, ça. C'est pas mal ça. Ça se passe dans un vaisseau spatial où tout le monde est enfermé dans des pods stériles, etc. Et que personne ne doit avoir de contact avec les autres. Ah, ça c'est pas mal ça. Passenger. Pas trop. Pas trop. Il était nul. Oh. Il se regarde. La morale de Passenger, si vous l'avez pas vu, désolé, hein, mais enfin, j'ai pas spoilé, mais vous n'allez pas forcément comprendre de quoi on parle. Mais la morale de ce film, c'est en vrai, ça passe. C'est totalement alors vrai. C'est bien. Il lui a gâché sa vie. Oui, oui. Oui. Bah, c'est un peu du spoil de dire ça, mais c'est le pouvoir de l'amour. Il fait un truc qui est quand même pas bien. Et elle dit très pas bien. En vrai, il est beau. Vivons ensemble. En vrai, il est beau. Cultivons. Et c'est le seul qui est là en plus. Non, ça fait. Moi, ça m'a choqué un peu quand je l'ai regardé. Enfin, choqué. Non, j'étais pas en mode waouh. Ça m'a un peu interloqué, on va dire. J'avais un point d'exclamation au-dessus de ma tête. Mais ouais, la société individualiste, c'est bien. En plus, ça rentre un peu dans notre sphère, je sais pas, réseaux sociaux, tout ça, actuelle. Très Black Mirror, du coup. Black Mirror, est-ce que ce serait pas de la science-fiction? Bah, bien sûr que oui. Totalement. En fait, là, on n'a pas parlé des séries, mais il y a aussi The Undead, il y a énormément de séries de science-fiction. Il y en a plein. Westworld aussi. Westworld, oui, c'est. Stranger Things. Non, on parle pas de ça. C'est plus fantastique, non? Non, mais j'aime pas. En fait. Non, mais je suis pas ronchon. C'est pas vrai, je vous laisserai pas dire que je suis ronchon. Mais. Tu es ronchon. C'est vrai. Mais tu as vu un film des années 80, tu sais ce qui se passe dans cette série. Et ça m'énerve! Parce que si c'est sorti dans les années 80, je serais en mode. Mais c'est trop bien! Mais sauf que c'était sorti en 2016. Je sais pas. Ouais, dans j'allais crier, mais je ne sais même pas. Mais après 2016 max, tu vois. Et le pire, c'est que je trouve que ça fait hyper fake années 80. Enfin, je trouve ça hyper raté finalement. C'est à la fois hyper beau visuellement. Mais je comprends qu'on aime. Très beau, parce que moi, par exemple, ma cousine qui a 14 ans qui regarde ça, je suis en mode c'est normal, elle n'a jamais vu les films auxquels ça fait référence. Pour elle, c'est nouveau. C'est normal qu'elle aime bien parce que ça prend que les trucs bien des autres films. Mais du coup, ça n'a pas marché sur moi. Mais c'est destiné à un public plus jeune du coup. Moi, j'aime bien. T'as 14 ans, t'es ma cousine. T'es ma cousine. Voilà. Simone. Gratuit. Mais voilà. Oui, la société individualiste, c'est bien. Un deuxième thème. Il faut qu'il y ait un sous-thème. Généralement, c'est l'écologie, mais on peut, si on veut, essayer de s'en dépêter un petit peu. Moi, je trouve qu'il y a un thème souvent dans la SF. C'est un personnage qui arrive à s'émanciper de sa condition sociale. J'ai un film en tête, mais j'ai pas le titre. C'est Akira. Le coup, ils sont... c'est souvent Akira ou Blade Runner. Hein, Interstellar. Non, mais ils sont en faction et tu peux pas sortir des factions et c'est une meuf. Divergence. C'est ça. Ah oui. Ouais, c'est peut-être pas une référence de fou, mais ça marche totalement. Ouais. Non, mais totalement, c'est ce genre de truc. On a même pas parlé, mais Ready Player One aussi. C'est de la SF. Mais est-ce que ça correspond à ce que tu disais par rapport à sortir oui, de sa famille? Le personnage qui est dans un milieu hyper hyper pauvre et qui il gagne le ticket d'or. Ouais. C'est Willy Wonka. Ça c'est Willy Wonka, ouais. C'est la chocolaterie. Tu fais des références à des bouquins de des bouquins de 10 ans. Hein. Tu n'as plus 14 Entre ans. Entre Astérix et Roald Dahl, c'est une belle culture. Vous m'avez cerné. Mais oui, ça rentre parfaitement dans ce truc là. Il y a aussi souvent un truc d'un homme d'ailleurs qui est l'élu, tu vois. C'est Jésus encore, mais il faut arrêter avec les bouquins. Son pochou. On revient à la mythe, au mythe du héros un peu. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Ah, il n'y a pas souvent de. Enfin, pas souvent. Il n'y a pas tout le temps de trucs de He's the Chosen One, comme dans Star Wars. Mmh. Mais oui, c'est sûr que c'est. Parce que ça emprunte beaucoup à l'aspect fantastique. Ouais. La mythologie, généralement. Il y a beaucoup de mythologie. Oui, et puis ça rend le récit hyper épique. Oui. Aussi. Genre, c'est lui. Mais Matrix en soi. Oui, carrément. Matrix, aussi. C'est littéralement The One. Mmh. Et c'est bien. J'ai pas vu le 4 encore, mais. Moi non plus. De même. Et j'espère qu'il est bien. Moi, il y a un thème que j'aime beaucoup, mais je sais pas vraiment si ça rentre dans la SF, c'est les uchronies. C'est-à-dire, ici, les Allemands avaient gagné la guerre. C'est la série What If de Marvel. Ouais, voilà. Oui, non. C'est grave ça. Hein. C'est ça, je vais faire que des parallèles nuls comme c'est ça, mais vraiment, c'est le pire exemple. Pardon. Mais ouais, du coup, ça, je sais même pas si on peut considérer comme de la SF ou pas. Quoi, de la fausse history? Enfin, histoire. Film histoire, mais. Film fake. Historique, mais fake, ouais, je sais pas. Bah, c'est. Si, c'est du chronique, c'est un peu différent. Enfin, ça ouais. Dépend quelle est la prémisse du film. Genre, si c'est. Comme dans Captain America, c'est pas vraiment la super truc de SF, mais si les nazis avaient eu l'arme de. Enfin, un pouvoir particulier qui les aurait fait gagner la guerre. Wolfenstein dans les jeux vidéo, par exemple, c'est ça. Hein. Mais est-ce que c'est de la SF? Ça dépend du principe de base, je pense. Ouais. Donc, la société individualiste. Quelqu'un qui sort de sa classe sociale. Mmh. C'est un peu du Ken Loach, mais version. Version SF. Mmh. Moi, ça me va. En termes de décorum, on serait comment? L'espace est propice à plein de mini-sociétés. Ouais. Mmh. Tu peux raconter plein d'histoires dans la petite histoire. Mmh. L'espace, pour toi, c'est la SF. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas, d'autres décorums qui vous feraient envie ou qui... Est-ce que l'espace, est-ce qu'on ne pourrait pas... Je veux dire, vas-y, on essaye d'éviter parce que c'est trop facile. Tu veux redescendre sur Terre ? Littéralement. Pourquoi pas ? Plus bas que Terre, sous Terre. Ou alors, moi, je trouve ça toujours intéressant quand c'est sur une autre planète, mais habitable, où il y a déjà aussi des gens qui y vivent, quoi. Avatar. Mais pas forcément... Ouais, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Avatar. Non. Avatar, comment on l'a oublié ? Alors, petite sur ma langue, je me dis quand est-ce que je vais le placer ? C'est le truc que je veux dire sur Avatar, à chaque fois... Le film qui a fait le plus d'entrées jusqu'aux Avengers, parce qu'à maintenant, ouais, c'est fort. Tout le monde l'a oublié. Voilà. Tout le monde s'en souvient un peu, mais en vrai, ça ne vient jamais dans les discussions des meilleurs films. C'est un film. Parce que c'est une évidence. Comme un autre. Ouais, mais maintenant qu'on parle d'Avatar, moi, je pense plus au dernier Maître de l'air qu'à celui-là. Fin... Ouais, non, mais, ouais, mais non. S'il te plaît. Parce que tu es un enfant, en fait. Tu es un geekos, comme ils disent. Non, mais moi, j'attends le 2, le 3 et le 4 qui sont prévus pour cette décennie-là. Tu peux attendre longtemps, je pense. Plus longtemps que Dune. Incroyable. Quoique, il n'est pas prévu en 2022, Avatar. Ça fait 10 ans qu'il est prévu. C'est vrai, tous les ans, mais. Il est poussé chaque année, mais je pense qu'il sortira cette année ou l'année prochaine. Quand même. On espère. Il sortira à la fin du Covid. Oh putain. Oula. C'est ce que je viens de dire. Mais on n'a pas parlé de Don't Look Up qui est sorti récemment. Est-ce que c'est de la SF ou pas? C'est vrai qu'en plus, le CRIB en a fait une critique. Exactement. Oui. Mais. Je sais pas si. Je pense pas. C'est une catastrophe plus. C'est en plus quelque sorte. Là, en l'occurrence, c'est plus une critique sociale. Oui, oui, carrément. Oui. Littéral, quoi. Vraiment. Parce qu'il y a des vaisseaux spatials à la fin, Samy. C'est ça, à la limite, c'est de la SF entre parenthèses. C'est de la SF très, très, très, très, très proche. Ouais. Tellement proche que c'est actuel. Je trouve que c'est plus un film cynique qu'autre chose. Film politique aussi. Ah, carrément. Hyper politique. Vous avez aimé Don't Look Up? Ouais. Oui, totalement. Astérix. Astérix. Non, j'ai pas d'avis. Ouais, ça aurait pu aller encore plus loin, je trouve. Ils ont effleuré, enfin, aller encore plus loin dans le cynisme, dans la critique. Moi, je trouve justement qu'on va, ça va pouvoir nous permettre de retourner vers la SF. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. J'aime pas cette phrase, mais en l'occurrence, les personnages sont trop caricaturaux, sauf les trucs les journalistes. À la limite. Parce que c'est ce que tu vois tous les jours, c'est on garde une tête contente et puis on traite de sujets très légers, etc. Mais la présidente, par exemple, son fils, insupportable. Là, c'était trop. J'étais en mode, ok, il y a des débilos, vous avez été traumatisé par Trump, déjà vous l'avez élu donc, hein. Mais vous avez été traumatisé par un gars qui était con, mais son entourage n'était pas bête du tout. Enfin. Ouais. À la Maison Blanche et tout, enfin, c'est impossible qu'il y ait des gens aussi teubés qui soient en charge de la situation et c'est le principe, hein, c'est le délire du réalisateur aussi, enfin, quand il avait fait Vice c'était pareil, c'était la Maison Blanche, c'est que des débilos, c'est voilà quoi. Oui. Il aime bien parler de ça, j'ai l'impression. Montrer que c'est un jour ça va être possible, je sais pas. Ouais. C'est peut-être déjà le cas. Mm-hmm. C'est pour pas. Ça que le film parle autant, je trouve. Ce qui est aussi fort dans le cynisme, c'est que il parle peut-être un peu trop bien et c'est peut-être un peu trop actuel, malheureusement. En fait, c'est un cul entre deux chaises, j'ai l'impression, dans ce film qui est un peu c'est dommage pour la pour le côté SF et tout, c'est que on n'y va pas, ils vont pas assez franco sur certains trucs. Ils sont trop proches de la réalité sur certaines scènes et ils sont un peu éloignés, genre vraiment sur la fin. Bon, après la fin, c'est pas grave, c'est le principe. T'as un truc au moins de une fois que ils savent que c'est mort, ce qu'ils veulent faire, ils sont en mode eh ben ok, on attend de voir venir, etc. Et je suis en mode bah le film a give up à ce moment-là, quoi. L'histoire elle aurait dû s'arrêter 20 minutes plus tôt et je sais pas. T'aurais préféré une fin ouverte? Non, parce qu'en soi c'est un film humoristique aussi, donc la blague elle est drôle, mais il y a des moments très très sérieux et très drôles dans ce film. Et pour moi la balance elle est peut-être pas mise au bon endroit, je sais pas. Ouais. Ça manque un peu de nuance. Bah après, c'est un peu mon goût personnel, hein, bien sûr. Ouais. Mais c'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de films de SF, c'est que il y a beaucoup de cynisme aussi. Même quand le ton est tout le temps très sérieux. Ouais. Il y a beaucoup de références à la vraie vie, on va dire. Big up, Big Flowly. comment dire, ça fait référence à notre monde actuel en exagéré, genre en mettant les potards à 11. Ouais, il y a plusieurs grilles de lecture, quoi. Ouais. C'est pas un bon film de SF, il y a plusieurs grilles de lecture, c'est intéressant. C'est un film à oignon, comme on dit. Il y a plusieurs couches. Shrek. Shrek 1, je crois. Shrek, c'est de la SF, bien Shrek. Sûr. Grave. Non, il dit, non, juste des fois, il dit Shrek. Tous les matins. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on a toujours pas répondu à la question. Le décorum. Ah oui. Moi, j'aime bien. Sous terre, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'il y a de l'espace, en fait. Désolé. Hein, mais ça recommence, ça recommence. Mais c'est facile. Moi, je trouve ça très classe, les voyages solitaires dans c'est l'espace. Une facilité. Ouais, c'est facile. Il faut un peu de vue et revue, quoi. Un vaisseau. Mais c'est classe, c'est classe. À la limite. On a fait le voyage spatial et on est déjà sur la Terre comme Avatar. Enfin, sur la Terre, sur la planète. C'est pas... On peut dire qu'il y a une transition qui se fait entre le vaisseau et la planète. Ouais. Ou alors, c'est pas le saut en parachute. Le saut en parachute. Mais tu débarques pas tout le monde d'un coup, genre. Il n'y a pas 7000 capsules de survie qui débarquent sur la Terre. Il n'y en a pas besoin d'avoir 7000. Ouais, parce qu'après, 30, un vaisseau, est-ce qu'il y a plusieurs personnages dedans ou vraiment une petite équipe? Oui, parce que si c'est l'humanité tout entière, moi je pensais à ça. C'est un gros vaisseau, je pense pas qu'il puisse. Comme dans Wally. Wally d'ailleurs. Oh là là, bien vu. Bel exemple. Oh là là. SF, c'est un animé en plus. Ouais. Bah là, il y a tout, il y a critique de la société, individualiste et tout. Enfin là, par contre, c'est à travers vraiment. À travers un on écrit Wally. Ouais, grave. Venez, on écrit Wally. Avec un robot plus gros. Et rond cette fois. Non, le fils triangle. De Wally, Eve. Oh, est-ce que ça se reproduit des robots? Ah, je sais pas. En vrai, avec. Tout est possible, c'est de la SF. Avec des psychiatres. Ça passe. Mais du coup. Toujours pas. Ouais. Non, allez, vas-y, espace. Allez. Il y a un peu d'espace. Ils arrivent sur une planète. On est sur. On suit généralement un petit groupe de personnes très distincts. Le club des 5. Ils ont tous le club des. Pour le club des 5, pourquoi pas. On en prend 5. Le club des 5 dans l'espace. Ils ont tous leur personnalité assez distincte. Ça revient un peu sur ce qu'on disait sur. Enfin, vous ne l'avez pas encore entendu, bien sûr, mais l'épisode précédent où la comédie reposait sur des personnalités très très distinctes qui s'opposaient. Du coup, l'humour arrivait via le contraste. Là, ce n'est pas l'humour qui arrivera via le contraste, ce sera l'action, le questionnement. Comment dire, l'intrigue arrive parce que les personnages ne sont pas pareils, réagissent pas pareil à la situation. Cloverfield Paradox par exemple, c'est exactement ça. Alien en vrai, hein, ils viennent tous d'univers un peu différents et ils réagissent d'une manière différente à la situation et c'est ça qui fait que on a une critique à chaque fois de, enfin une représentativité de la société. De la société. Ouais. Il y a toujours le vieux blanc très ancré avec sa nation où il faut tout faire pour le bien commun, on va dire. La sagesse. Il y a la sagesse ou la débilité. Ça dépend quel côté là. Ça dépend, le, côté, là. Ça dépend le film et ça dépend le personnage. Oui, il y a toujours le ou la jeune intrépide qui fait tout pour. Dont qui le prend les risques. Ouais, fougueux. Ouais. Fougueuse. Il y a un personnage décalé, drôle, un peu débile. Un peu concon. Un peu concon. Mais qui aide un peu quand même. C'est le sidekick qui est attachant. Qui meurt souvent. Oui. Quand il y a des dangers, en tout cas. Et celui toujours qui parle deux, trois figurants. Ouais, oui. Il y a un personnage aussi qui parle pas, qui est très charismatique, mais très mystérieux. Qui parle plutôt la situation. C'est le commandant. L'exige. Ouais. Et dès qu'il est pas là, c'est la panique totale. Ouais. Et toujours une femme aussi pour mettre un peu de romance ou d'ambiguïté. Évidemment. Oui, bah oui, parce que évidemment, c'est pas drôle. Les femmes ne peuvent être que des love interests pour les personnages principaux masculins. Bah, franchement, dans la SF, quand même, les femmes, c'est vrai que, à part dans, je sais pas, Gravity ou des films vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y en a elles pas. Sont sous-représentées, elles sont vraiment très sous-représentées. Très sous-représentées. Et quand elles le sont, c'est comme tu disais. C'est les princesses, rien, c'est celles qui sont mises en valeur. Non, ça c'est Mario, par contre. Après, en contre-exemple, je citerai Alien, du coup. Qui est l'inverse. Oui, mais du coup, c'est un contre-exemple parce qu'on le remarque. Mais en soi, c'est un personnage juste fort qui se défend contre une bestiole. Mais la majorité des films auraient choisi un homme parce que c'est plus fort physiquement, je sais pas quoi. Et après, on n'a pas non plus parlé de Terminator, mais c'est vrai que... Terminator, c'est un peu ambigu parce que le personnage principal, c'est à la fois un homme et quand même, elle est très importante. Oui. Mais Terminator, Terminator 2, le meilleur film d'action avec Mad Max Fury Road. Très très bon. Parler de SF. Terminator. Max, ouais, non, mais je parlais de Terminator. Oui. Le 2, on en parle plus de Terminator. Le 2, il est très très bien. Mais pas Mad Max, bon, c'est pas vraiment de la SF, mais ça fait un peu écho à toute cette. Dystopie. Ces trucs dystopiques souvent utilisés par la SF, genre Dune. En revenir à Dieu parce que ça se passe dans un désert avec ses jaunes, voilà, c'est mais c'est pas à cause de l'homme, quoi, ça a toujours été comme ça. Oui non. C'est le décorum est le même, mais mais dans Mad Max c'est la critique de l'escalade à la guerre froide, etc., puis l'individualisme, enfin pas l'individualisme mais justement le l'abus de pouvoir, ce genre de truc, la royauté, la tyrannie, etc. C'est un peu des thèmes universels dans la dystopie généralement, forcément, mais dans la SF aussi. En tout cas, la SF space opéra, on va dire. Du coup, nous, on est arrivé sur une planète. Ouais. Et est-ce que ce serait pas des gens qui scoutent la planète pour voir si, pour préparer l'arrivée des terriens. Ouais, carrément, des éclaireurs. Des éclaireurs. Avec un robot. Dit scout, mais parce que j'ai pas le mot. Oui, avec un petit robot sympathique. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, très méchant. Tarz. Sympathique, puis méchant. C'est trop PO. Oh. R2-D2. Woody. Woody aussi. Le fils de Woody. Astérix. On disait pas juste des rêves. Des rêves. Idée fixe, allez. Avec un petit chien. Un petit chien, carrément. En vrai, un petit animal. Ouais, j'allais dire. Il y a beaucoup d'animaux, je trouve pas. Bah, non, en même temps, c'est un peu compliqué de ramener des animaux. Bah, c'est vrai. Sauf si c'est un alien, genre, comment il s'appelle ? La planète au trésor. Oh, la ref, j'ai pas vu. Ça fait longtemps. J'ai pas vu non plus. J'étais tout pété sous côté. Ouais, c'est un vieux Disney, il est sorti dans les années 2005, comme ça. Et du coup, il y a une petite bestiole qui ressemble à Métamorphe, elle s'appelle Morphy. Elle sert strictement à rien, mais elle est super mignonne. Elle est là, pareil, dans Wally, il y a un petit criquet là, un petit insecte. Oui, le petit cafard. Mais après, lui, il est déjà sur Terre. Oui. Alors que, à part la chienne russe qu'ils ont envoyée dans l'espace avant les humains, on n'a pas vraiment envoyé d'animaux dans l'espace de manière durable, en tout cas. Ils sont tous morts, soit pendant le décollage, soit en arrivant là-bas. Et pauvre. Triste. Bah, en même temps, tu demandes à un animal qui comprend pas ce qui se passe d'être en orbite autour de la Terre. Oh là là, la panique. Ça... Mais là, il est avec. On dirait que le chien serait un chien, parce qu'un chat serait un peu chiant. Il ferait tomber tous les trucs. Un chat. Il serait un chien, mais il sera avec des humains, donc en soi. Ça passe. Mmh. Pourquoi pas une girafe, un petit costume. Là, pourquoi pas un éléphant dans Bah oui, c'est original. Un boa constrictor, finalement. Ouais. Plutôt grand. Ça peut être un petit animal un peu insolite. Un perroquet. Que le personnage charismatique qui ne parle jamais a. Et avec un perroquet. Comme un pirate. C'est lui qui parle. C'est le perroquet qui parle à la place. C'est ça. Parfait. Un reptile, un rat, un petit singe, un truc comme dans Pierre des Caraïbes. Ouais, un petit singe, ouais. Bah, alors, un rat, c'est le meilleur vecteur de maladie dans l'espace. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Je suis pas sûr que la NASA, elle approuve. Mm-hmm. Hein. Il peut être propre. Ouais, genre, il prend ses petites bains comme ça, là. C'était très visuel comme gag. Ça, c'est ratatouille, mais. Exactement. C'est vrai. Mais il est très propre, il fait de la cuisine. Mais du coup, en plus de ça, on pourrait dire que, en plus des caractères un peu opposés, on a tous une fonction. Un biologiste, du coup, qui doit étudier la faune et la flore locale. Un mec qui forcément est paré pour se battre. Un militaire. C'est Prométhée, voilà. Un ingénieur. Un mécano. Forcément. Mais tout comme les gens qu'on envoie actuellement dans l'espace, ils ont tous des spécialités. Il y en a toujours un qui est bodybuilder. En débardeur. Tu as un doctorat en sciences nucléaires. Tu n'as pas le temps d'aller autant à la salle. C'est pas vrai. Tu peux être un peu fit. Tu peux pas être aussi baraqué que ça. On est d'accord. Dwayne Johnson dans le rôle. C'est ça, évidemment. En chemise beige dans la savane, bien sûr. Oui, dans tous ces films. Ça marche pas. Mais c'est vrai qu'il joue des rôles où c'est un intellectuel. Je me dis, non, les gars, à part si... Non, même dopé, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. Bref. La science-fiction. C'est vrai. Il est comme ça. Il est né comme ça. Le mec, il avait 2 ans, il était baraqué comme ça. Donc ils ont tous une fonction. Ils sont combien, on va dire 5, 6 ? Ouais, 6, plus le chien. 5, comme ça on peut faire un roleplay. Voilà. Ah ouais, c'est parti. Et on a le chien aussi. On a le chien, il est à l'étage. Il est caché. Il a peur. Je jouerai le chien. Ouaf. Ce qui serait original, ce serait genre le mécano, il a un accent du sud. Bah, déjà, il faudrait qu'il y ait un français parce que déjà, Cocorico. Oui. Et il faut qu'il y en ait un de chaque continent, tu vois. Un américain. Un Thomas Pesquet. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Thomas Pesquet du sud, quoi. Compte de toi. Parce que oui, ils ont pas d'accent, les Français qui partent à l'international et tout, ils ont tous un accent. Enfin, pas d'accent, mais ou l'accent parisien. Ouais, ils sont parisiens de pure souche. Mais. Ouais, souvent ils sont. Enfin, en tout cas, ils ont pas un accent très marqué. Non. C'est vrai. Ou même un ch'ti, tu vois. Mais ouais. Un mec qui parle en ch'timi et. C'est pour ça qu'il y a jamais de Québécois dans l'espace, en fait. Hein. Ouais, mais oui. Mais pareil. Ça et leur programme spatial assez inexistant. Mais oui, ça doit être lié. Donc du coup il y a un français qui représente l'Europe, on va dire, un américain, un chinois qui représente les américains, l'union des peuples, un chinois, un brésilien, un chinois, un russe, un brésilien et un nigérian, voilà. Et un australien. Voilà. Ouais, mais le chien, c'est un berger. Australien. Voilà. Désolé, nos amis australiens, j'ai rien contre vous. Excusez-nous. Ça, le chien, c'est ça. Mais vous êtes moins nombreux, écoutez. Vous avez un chien, déjà, c'est bien. Non, faut mettre une mégale, du coup. Australie. Non, le gros truc, là. Un koala. Les grosses araignées, tu sais pas ce que c'est. Ah oui, mais elles sont très gentilles. Oui. Peut-être, tu sais pas. Un bébé kangourou, à la limite. Ouais. Il boxe tout ce qu'il veut. Plus. Ah, ça, c'est plus un robot kangourou. Un robot. Un paresseux. Un Walibi, il revient. Un robot kangourou, moi j'aime bien l'idée. Il boxe tout ce qu'il trouve. C'est lui le Dwayne Johnson, en fait. C'est très musclé. Comme dans les mèmes. Ça fait très très peur, les kangourous. C'est naturel, ça. Respect. Et alors, du coup, il faut qu'il y ait aussi des oppositions. Il faut qu'on reste dans le cliché. Donc, ils ont tous un comportement lié à leur, on va dire, leur continent. Ouais. Le chinois qui représente l'Asie sont très cadrés, etc. L'européen, il mange du fromage. L'européen, il est un peu libre. Enfin, tu vois, genre, tous les clichés sur les. L'américain, il est. C'est Emily dans Space. Un pull con. Non, c'est très méchant. Ils sont tous envoyés. Mais putain, le micro, là, arrête de tomber. Ils sont tous envoyés par leur agence continentale respective. Et du coup, ils ont tous un agenda particulier. Ah oui, ça, c'est pas mal pour le côté individuel. Ils doivent tous faire un rapport. Oui, détaillé. À leur continent, entre guillemets. Et du coup, ils sont dans leur coin et tout. Et chaque confédération, ils essayent d'avoir l'avantage sur les autres. Du coup, la morale du film, ce serait que, en fait, si on travaille ensemble. Ouais. On peut sauver la planète. Exactement. Oui, ou alors on peut s'en pouvoir de l'amitié. Extirper. Oui. Et de l'amour. Ouais. Interstellar. C'est un beau message contre la société individualiste. Mais oui, du coup, le principe de base, c'est qu'on a on a dit un Français, un Chinois, un Américain, un Brésilien, un Nigérien. Il y a trop de trucs. Un Russe. Et un Nigérien. J'avais pas dit 5 personnes. Au pire, on fait un continent. Là aussi. Mais le truc, c'est que. Un Luxembourgeois. Pourquoi pas assez représenté. Je veux que ce soit que des petits pays. Ouais. Genre le Laos pour l'Asie, le Liechtenstein pour l'Europe. Je sais pas, Cuba. Bon, ouais, ça c'est grand quand même. Mais... la Jamaïque. Pas... Ouais, mais c'est grand. Enfin, ça va quand même. Oh, c'est grand. Jamaïque, c'est pas grand. Hein. Non, mais c'est tout connu. C'est connu. Usain Bolt. C'est connu, ouais, non, mais c'est Marley. Non, c'est tout petit. Tous les pays sont connus pour certains trucs. Hein, tu sais. Oui. Non, mais vas-y, on va prendre les grands pays comme d'habitude. C'est France, États-Unis, Chine, Brésil pour le quota américain du Sud parce qu'ils mettent jamais d'Argentin, par exemple. Toujours un Brésilien. Et en Afrique, ce serait quoi, Nigeria ou ouais, Nigeria, c'est très bon. Truc comme ça. Nigeria, c'est parce que je crois que c'est le pays le plus riche d'Afrique. Donc ils mettent toujours les, non, ce genre de pays. C'est l'Afrique du Sud. Ouais, c'est l'Afrique du Sud. Je crois. Ah bon mm-hmm. Ah bah oui. Ah ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Mm. Allez, vas-y, Africain du Sud, on va mettre. Ok. Parce que c'est toujours les pays comme ça qui sont représentés. Moi, je pense toujours à Cloverfield Paradox ou même Alien. Bah, à la place des Français, c'est les Allemands généralement, mais bref. Ouais. Là, pour le coup, les Allemands, vous l'avez dans le cul. Aus Wiedersehen. Je sais pas si c'est bien. Oui, si, c'est au revoir. Au revoir. C'est parfait. Et du coup, ils sont. Donc, le film commence, ils vont bientôt arriver sur la planète. Et là, du coup, c'est le moment où. Donc, l'intro, elle se passe dans le vaisseau, en fait. Ouais, genre la présentation des persos, en tout cas, elle se passe. Avec plein de micro-actions qui nous font comprendre leurs intérêts, leur caractère. Ouais, de ouf. Bah, y en a un qui, par exemple, il peut grave jouer avec le chien parce qu'il est super, je sais pas, gentil. Mais du coup, il fait que ça. Genre, il a été amené là pour jouer avec le chien. Ouais. On avait dit finalement que c'était un bodybuilder. C'est un vétérinaire. Ouais. Comme ça. Bah, en vrai, ça peut être un biologiste. Ouais. Du coup, il est un peu vétérinaire. Ouais. C'est un peu réducteur pour la fonction de biologiste. Hyper réduit. Et même pour les vétos. Mais comme ça, une fois arrivé sur place, il peut examiner la faune et la flore de là-bas. Ouais. Voilà. Ça fait un déjà. Ouais. Un mécano. Ouais. Un mécano. Qui fait pilote. En débardeur. En Marcel. Dwayne Johnson. Ouais. Bah, avec un peu de le Brésilien, peut-être. C'est Dwayne Johnson. Un guitariste. Pour foutre l'ambiance dans le vaisseau. Un barde. Les deux derniers, c'est un guitariste et un bassiste. Ils sont là pour la bonne humeur. Bon, je sais pas jouer la guitare. Mais Coldplay, il faut le l'espace, littéralement. Il ramène Muse. Juste. Grosse ambiance. Et enfin, voilà, bref. Space Opera. Genre, pardon. Toujours un mécano. Non, mais oui. Mécano slash pilote, un ingénieur. Un ingénieur. Une grande scientifique. Oh, non, un informaticien. Ouais, mais du coup, ce serait quoi c'est l'informaticien. Bah, c'est l'ingénieur. Ouais, c'est l'ingénieur, du coup. Il faut un commandant. C'est la responsable IT. Il faut un commandant. Le leader. Le commandant, c'est le chien. Le commandant, c'est le chien. Voilà. Ah, c'est toi. Ça marche très bien. Encore une fois, ce sera pas une femme qui aura le rôle principal. Ce sera un chien. Mais ce sera une femelle. Comme quoi, on respecte on les dit la science-fiction, on a bien dit. Ouais. Et c'est assez progressiste. Et quand on est dans le futur, le chien il peut parler comme dans là-haut. Et voilà, il est doué d'intelligence. Ouais, mais par contre, il est pas doué d'intelligence. Il peut parler comme dans là-haut, mais il est con. C'est un chien quoi. Enfin, c'est pas con. Tu lui sors une base, il est con, mais dans là-haut, après, à part ça, Ils ont quand même des fonctions cognitives assez développées dans là-haut. Alors que là, vraiment, je te parle d'un chien qui ferait. Attends, je veux vraiment manger. Le chien. Très bien, le chien. Ah, le chien, on sait tous comment il va finir. Il va sauver un de ses maîtres. Ouais. Il va mourir en mourant. Il va se sacrifier. Ah non, le pauvre. Bah ouais, mais. Il bibi. Mais c'est encore une question, c'était individualiste parce que le chien, il a pas ces barrières-là. Du coup, il se fait n'importe qui. Oui, peu lui importe. Pour n'importe et c'est l'élément qui va leur faire se dire. Travaillons ensemble pour se sortir de ce pétrin. Mmh. Très bonne idée. En l'honneur du chien. En l'honneur du chien. Du maréchal pétrin. Voilà. Oh là là. Elle était. Festival. Elle était on bannit ce genre de bâtard. Les jeux de mots, c'est. Non. Ouais. On pourrait mettre un scaphandre sur le chien. Moi, ce que je disais tout à l'heure, genre, il a une sorte de costume de l'espace. Tu vois, une petite tenue. Avec une bulle en verre. Non. C'est un film super mignon déjà. Enfin, moi, j'aime. Très pipou pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, à la fin, le chien, il y a une statue de lui une fois que. Ah oui, il n'y a pas de gros méchant. Il n'y a pas de gros méchant. Mais le gros méchant, c'est les robots. C'est la planète. C'est la planète. Bah, c'est la planète. Non, les méchants, si, c'est ça. C'est, la planète et comme ça fait des échos à l'écologie aussi. Ouais, c'est la nature. Et c'est en fait les lianes. Parce que je rappelle que le méchant, c'est la planète. Du coup, la planète, elle est habitée. Ouais, comme dans Monster House. Comme dans. C'est quoi, planète numéro 9? J'ai le film où c'est un Américain qui débarque sur une planète alien. Oui. Ouais. Et c'est les rôles qui sont inversés. Sont inversés. Ouais. C'est grave stylé. Mais c'est vrai que l'idée d'une planète qui vraiment est vivante et peut manier, bon, pas forcément du coup des armes, c'est un peu cliché, mais. Mais des choses assez mais quelque chose de qui vraiment réagirait à n'importe quoi, ouais, et qui vont réagir à n'importe quoi, ça, un système nerveux finalement, ouais, ouais, bah enfin, comme dans, qui serait pas passive. C'est quoi le film où c'est les arbres qui transmettent After un virus Oui, je sais plus comment ça s'appelle, M. Night Shyamalan qui l'a fait, là, le phénomène. Ouais, ça doit être ça. C'est très bizarre comme film, mais en gros, c'est les arbres qui communiquent entre eux et qui transmettent le virus aux humains qui tuent en fait toutes les En fait, non, c'est même pas ça. C'est que c'est un truc qui inhibit, je sais pas comment on dit. Un inhibiteur. Ouais. Voilà. D'un truc qui est dans le cerveau et qui fait que t'as plus l'instinct de survie et du coup, t'as absolument envie de te suicider d'un coup. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est les arbres qui font ça, ouais, genre une sorte de pollen, et du coup tu le respires et t'as absolument envie, enfin tu cherches tous les moyens de te tuer. Ouais, ouais. Et ça se passe aux États-Unis. C'est joyeux. Oui, bien sûr. Ouais, à la fin, ça se passe dans, ouais, on a le Palais Royal. Ouais. Technique. Mais voilà, et ouais, la planète se défend. Ouais, ok. Voilà. Après, du coup, pas les arbres, c'est trop cliché. Non, pas les arbres. Peut-être pas les sabots. Non, pas les sables. Les cailloux, mais il faut trouver... Un sable des vers. Des sables. Vers des sables. C'est dune. Ça me dit un truc. Je sais pas. Peut-être dune, je oui, sais pas. Oui, ça va, je suis fatigué, ok. Ouais. Non, mais voilà, la planète, elle trouve différents moyens. On va le trouver en... Des nuages. Ouais. Oh, j'y ai pensé. Des nuages. Du brouillard. Du brouillard toxique. Non, du brouillard qui juste tu vois pas trop. Et du coup, tu te cognes. Elle se déforme, mais pas bien. Ouais. Comme la planète face au réchauffement climatique, finalement. Et c'est un message. Ouais. Écologique. Ouais. Un brouillard hallucinogène généré par des champignons. Explication. Non, non, même pas. Juste les champignons, ils te filent un petit peu la diarrhée. Mais à chaque fois, c'est de défense. La planète se défend. Oh, j'ai trouvé un steak. Oh mince, il est empoisonné. J'ai un peu mal à la tête. C'est tout. Donc, ils arrivent sur donc là, il y a les scènes d'intro où on présente un peu chaque personnage, comme on vient de le faire. Mmh. Ils arrivent. Ils atterrissent. Enfin, ils aplanatissent. Ouais. Ils aplanatissent. Ils arrivent. Ils se posent. Ils arrivent sur la planète avec, à l'aide de leur vaisseau. Et là, c'est le drame. Il y a un truc qui marche plus sur le vaisseau. Ils peuvent plus communiquer avec... Bip, bip, bip, bip, bip. Alerte. Genre, ils peuvent plus communiquer chacun avec... avec la Terre et du coup, avec chacun avec leur nation. Sauf un. Qui a un truc de secours, genre une radio de secours, etc. Et il n'y a que lui qui va pouvoir transmettre des informations. Ouais. Le chien. Non. Le chien. Non, mais... Du coup, ils recevront des waf waf. C'est du morse, mais du morse en chien. En chien. Non, mais du coup, on peut faire du un chien, truc. Finalement. Je sais pas, c'est un mec, je sais pas, des États-Unis qui... ou un chinois, ou je sais pas, qui justement a pas envie de partager les infos, du coup il est dans un dilemme, ou est-ce qu'il trahit c'est les Américains généralement. Ouais, ouais, c'est voilà. Coéquipier. Mais ça veut dire que l'Américain est un peu méchant. Enfin, pourrait se retrouver dans une situation méchante. Déjà, l'Amérique est méchante. Mmh. Oui. Oui, non, mais généralement, c'est le Chinois qui ferait ça. Si j'étais américain. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, mais on est français. On est français, voilà. On est français, on est neutre. On est suisse. Ah, suisse, plus. Ouais. Mais ça peut avoir une sous-intrigue, du coup, du mec qui. Est-ce qu'il reste dans son truc individuel? Genre, il le dit pas aux autres. Est-ce qu'il le cache encore dans les autres? Ouais, voilà, exactement. Genre, c'est le seul à avoir de la 4G en gros. Ouais, et genre, tout le monde se dit putain, merde, on fait il veut pas faire de partage de comptes. Il a dit, là vraiment, les autres, genre, l'Africain du Sud, le Français, etc., ils disent putain, on est dans la merde, on n'arrive plus à communiquer avec la Terre. Il dit ouais, grave, grave, grave, j'arrive trop pas. Enfin, et lui, il est en train d'envoyer un SMS en même temps. Ouais, à Bill Clinton ou ce que je veux. Ah, ce qui se passe dans les années 90. J'avoue là. À Joe Biden. Ouais. Et du coup, voilà. Je crois que Joe Biden est même plus vieux que Bill Clinton. Oui, je pense, ouais. Bah, c'est chaud. Et du coup, l'Américain, ouais. il transmet des informations. Il dit bien arrivé, je te rappelle quand j'ai fait les courses. c'est du message codé, c'est pas c'est du morse. Les carottes sont cuites. Bon appétit. Et là, d'un coup, le chien fuit dans la jungle. Waf, waf, waf. Il aboie et il voit. Bon, déjà, c'est marrant, j'ai cette idée de l'inexplorer un peu Amazonie en mode jungle. Ouais. Mais ça peut totalement être une. Enfin, la planète, c'est. pour l'imaginer. Ouais, faut voir. Est-ce que c'est une planète aqueuse? Ouais, de ouf. C'est quand même pas comme un piano, par exemple. Est-ce que c'est une planète glaciale? Un piano aqueuse. Bravo. Facile celle-là. Ouais, moi je verrais bien une planète où genre c'est un peu comme dans Minecraft, il y a des biomes qui se il y a plein de trucs différents. C'est génial. Mais ça du coup. Oui, c'est une planète finalement. Ouais. Okay, c'est OK. Pas la peine de faire le malin. Mais oui, voilà, ce genre de truc où tu as plein d'endroits, enfin plein de biomes littéralement différents. Après on a qu'à dire que justement il y a une spécificité, genre les arbres sont très petits ou très très grands. Des arbres très petits. C'est que des bonsaïs. Ouais. Des arbustes finalement. Oh là là, c'est menaçant. Serait génial, c'est tout est minuscule. Tout est minuscule. Ouais, du coup la planète aussi. Ils ont fait le tour en 3 secondes. Et non. Sauf la planète. Voilà. Non, je sais pas. Et du coup les ressources manquent gravement puisque tout est minuscule. Ouais. Il y a des petits lacs, genre tu les bois d'un coup. C'est hyper triste. L'océan, c'est un verre d'eau. Donc du coup, tu peux jeter à l'océan à la petite cuillère. Ouais. Ouais. C'est de la planète. Non, j'imagine la chose en fait. Genre, il débarque, oh mon dieu, un nouveau monde. Tu ouvres la porte et là, tu vois, tout est microscopique. Putain, c'est le pôle Nord là-bas, ouais. Genre 5 mètres là. Il lâche le chien, ça se finit, il y a un génocide, il a détruit la civilisation. C'est un géant, c'est un géant pour eux. Bah oui, c'est, ouais, mais c'est pour ça que c'est pour ça que la planète réagirait aussi mal parce qu'on la piétine direct hyper. Bah, le truc du petit, moi je trouve que ça fait très. Ça fait comédie. Un peu ridicule. Oui, c'est très ridicule. Mais ça fait très comédie du coup. Ouais. Le truc de. Ça fait les schtroumpfs quoi. Où c'est. Gargamel. En fait, on est Gargamel. C'est vrai, exactement. En fait. Il y a des schtroumpfs. Les schtroumpfs dans l'espace. Alors déjà, les oui. Les êtres bleus venus d'ailleurs. Mais en petit du coup. Ouais. Pas Avatar, mais l'inverse. Ouais. Trop temps, bien. Je veux qu'il y ait non, mais je veux qu'il y ait un moment où ils croisent des trucs. Des êtres bleus. Tout petit, je trouve. Des mini-moïdes. Ils parlent avec l'axorberge. L'axorberge, les schtroumpfs. Les frites sont bleues. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la salse pareil? Non, c'est du cannabis. Voilà. De la salse pareil, wow. Bah, je connais, non, je connais technique, les schtroumpfs. Bon, pas tant que ça, les schtroumpfs, c'est pas assez technique. Mais du coup, bon, les schtroumpfs, on se le garde dans un coin de la tête. Moi, je veux que ça arrive à ouais, un moment. Ça peut être sympa. Mais. Donc là, ils arrivent. Ouais. Donc il y a ce truc de communication. Et donc, ils savent pas trop quoi faire parce que. Normalement, ils reçoivent les instructions de la part de la coordination des instances de l'ESA, de la NASA, je sais pas les noms des autres trucs. De toute façon, ça compte pas. Ouais. Si c'est pas les États-Unis. Mmh. Et du coup, le mécano part aller réparer pendant que les autres font un truc. Il fait semblant. Il y a une scission. Tout marche bien. Je vais revisser un truc là. Pour la radio. Ouais, il va essayer de réparer. Il y a le biologiste qui va se qui promène le chien en laisse. Ouais. Il commence à bon, j'ai que ça à faire de toute façon. Ouais, commence à mettre des trucs dans des tubes et tout. Et là, il voit que enfin, déjà il voit sur leur machine que l'air, il est respirable pour les humains. Oh. Ouais. Et puis ils enlèvent le scaphandre. Et du coup, ils sont en mode waouh. Et il y a une petite odeur de soufre quand même. Ouais. Ça pue le paix. Ça rend désagréable. La planète pue le paix. Non, c'est un bon curry, ça c'est bien. La planète sent le barbecue. En parlant de ça, mais c'est souvent les planètes qu'il y a, il y a peu de volcans. Alors que ouais, normalement, ouais. Dans toutes les planètes, il y a des volcans. Ouais, ça pourrait être une planète en mode Mustafar ou je sais pas quoi dans Star Wars. Ouais, l'affrontement. Là. Ah oui. Je crois qu'elles appellent comme ça. Je sais pas. Ouais, mais du coup, elle n'est pas vraiment montrée, elle n'est pas vraiment connue. Et ouais, ça pourrait être ça un peu le. Le volcan, on le voit pas en fait. Ouais. Il est de l'autre côté. Ouais. Il faut qu'ils empêchent l'éruption en mettant un truc dedans. C'est le volcan qui libère un gaz hyper toxique. Un anneau. Ils doivent mettre un anneau. Ça que ça pue. Oh là exact, là, on a trouvé. Fort. Ah oui. Mais oui, ça sent vraiment le paix du con. Ouais, mon... ça sent vraiment. Je suis trop content. Mais je crois bien que dans Voyage c'est au centre de la Terre. C'est pour ça le chien, il s'enfuit. Ouais, parce que lui, son odorat, il est dans la merde. Ça pue vraiment 7 fois plus le paix. C'est dingue. Tu disais quoi, Lily, sur le centre oui, de la Terre? Non, je disais Voyage au centre de la Terre, et il me semble que quand ils arrivent justement, juste avant de rentrer dans le centre de la Terre, ils disent que ça sent le souffle. Ça sent le souffle. Ça sent le souffle. Ça pue de la gueule, c'est quelqu'un invisible. La laine matinale. Putain, ça pue le matin, là. Faut aérer un peu. Non, non, non. Le vide, l'espace. Je crois. Hein. Mais ça aussi, c'est un bon film de découverte de nouveaux environnements et tout. Ouais. Bah, le livre, en plus, est hyper descriptif. Ouais. Vraiment, c'est que ça, que de la description. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est presque un naturaliste, je crois, son écrit. Ouais. Ok, très... Jules Verne. Ouais. Mm-hmm. J'adore Jules Verne. Pour l'anecdote. Ouais, moi, je le trouve pas trop sympa. Moi, j'ai fou. Ouais, mais... ouais, une fois, une soirée, un il était chiant. il a pas arrêté de vouloir mettre sa musique. Enfin, ouais. Il m'a soufflé dessus, en plus. Il pue de la gueule. Le souffre, précisément. Il a soufflé dessus. L'homme volcan. Volcan qui respire. De par ce qu'il dégage. du coup, il y a le volcan qui. Il faut qu'ils. Enfin, comment dire. Leurs appareils, ils marchent encore. Ils ont juste pas la. Pas la 4G. On a perdu ça. On a perdu la communication avec la Terre, mais leur appareil, il marche. Ouais. Et du coup. Bah, du coup, quoi ? Aidez-moi, je suis. Bah, perdu. Du coup. Bah, ils jouent au Scrabble. Non, mais au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la. Enfin. Dans la jungle, ou je sais pas. Ouais, ils partent en expédition à un moment parce qu'ils arrivent toujours pas à joindre ce flamme américain. Ouais, ils cherchent des ressources. Ils ont un petit rover, tu sais, les voitures qu'on voit. Ouais, voilà, exactement. Une Jeep rouge. Ouais, une sorte de Jeep Renegade. C'est en mode, bon, de toute façon, celle de Burger Quiz, ils ont gagné celle de Burger Quiz. Jeep Renegade. Et du coup, ils s'en vont en Jeep Renegade. Ils ont évidemment chaussé des chaînes au cas où. Oui. Okay, oui, de neige. De neige, bien sûr. Il fait quel temps là-bas sur Planète ? Oh, couvert, mais. Ouais. Quelques précipitations en fin de journée. Evelyne Delia, qu'en penses-tu ? Il y a la tramontane qui souffle vers l'ouest. Parfait. Tout le temps. Par contre, il y a un vent, il fait que l'ouest. C'est pas ça. Non, on pourrait dire un truc un petit peu chaud, justement, à cause du volcan. Oui, bah oui, mais ouais. Un peu tropical. Justement, quoi. Ils sont surpris en arrivant en mode, bah, il est censé faire 20 degrés à cette période-là de l'année. Il en fait. 31. Ouais. Ouais. On dit, ça doit être une erreur de calcul, vous savez, avec c'est tellement loin de la Terre, on a dû faire une erreur et 10 degrés, c'est tellement que dalle à l'échelle de l'univers que voilà. Ouais. Mais en fait, ils avaient raison sur le calcul et il y a un petit problème. C'est le réchauffement. C'est climatique. C'est un volcan, finalement, c'est un volcan. Et oui, Jamy. Puisque... Il y a Jamy Gourmaud. C'est le français, Il parle comme ça tout le temps. Mais oui. Oh, en fait, l'américain qui a encore la communication sur Terre, il discute avec Jamy, vous savez, sur le petit écran, genre. Salut Sabine. Donc là, la température monte. Et c'est normal, c'est le volcan qui va vous exploser à la gueule. Non, j'ai mis Allez Fred, Sabine, j'y vais. Fred, ça, c'est Fred. Je vais pas faire Jeanne. Mais Fred, il est plus facile à imiter. Ouais, ouais, c'est vraiment des intonations. Incroyable. Vraiment, on n'intégrerait pas un camion dans l'histoire. Ils se déplacent dans le camion. Ils sont pas en Jeep Renegade. Ils sont dans le camion de cette personne. Ils sont dans It's Not Sorcier. Mais de ouf. Mais de ouf, ils sont dans un truc. It's Not a Wizard. Et là, à chaque fois qu'ils arrêtent, non, ils pourraient vraiment être dans un tank avec des chevilles parce que comme ça, même si le sol il est boueux, bah ils... Oui, bah oui, non, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est il y a des chenilles hein, sur les rovers, mais ouais, voilà. T'as dit chevilles. Moi j'ai dit chevilles. Du coup, des pieds finalement. Un tank avec des pieds. Est-ce qu'on mettrait pas un podologue dans l'équipe finalement? J'imagine trop le moyen de locomotion. Quel enfer. Allez, ça va plus vite à pied, vraiment, les gars. On a inventé les roues pour quelque chose. Mais c'est comme dans Star Wars, hein. Les grands robots qui marchent. Ah oui, c'est les robots, ils sont très très rares. Ah oui, c'est vrai. Ils dégueulent cette veste troupeur. Je sais plus. C'est des dromadaires robots, là. C'est... Oui, c'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, ils ont une grosse bosse d'eau. Ouais. Très pénible. On n'avance pas, mais c'est très drôle. Bref, du coup, ils se déplacent comme ça. Ils arrivent dans le camp. Et puis c'est bon. Donc là. L'Américain, il sent qu'il y a un problème parce que Jamy lui dit c'est pas trompé. Et du coup, il dit il faut que vous allez jusqu'au volcan. Il fait des bruitages en même temps. Et du coup, il dit à l'ingénieur, au climatologue, je sais pas, vas-y, est-ce que tu veux pas revérifier avec ton appareil si telle quantité de tel gaz dans l'atmosphère et c'est normal ou pas. Et là, il dit bah, c'est pas normal, mais comment tu sais? T'inquiète. T'inquiète. Et source, t'inquiète. Source internet. Voilà. Facebook. Wikipédia. C'est Jamy. Toujours Fred. Et donc, je le dis beaucoup, et donc dans ce podcast, ils arrivent à la conclusion que Il y a un truc qui se passe. Mais ils savent pas quoi. Lui, il sait, mais il veut pas vendre la mèche. Et c'est là qu'il commence à avoir un petit dilemme. En mode... Il se dit, est-ce que je les aide parce que moi, je pourrais très bien faire en sorte... Enfin, je sais ce qu'il faut faire en cas de d'éruption, etc. Est-ce que je les sauve au risque de compromettre l'avantage stratégique des États-Unis, d'être les seuls à le savoir, ou... Je pense qu'à ma gueule. Ou j'aide les autres parce que on va mourir. Sachant que du coup, le gouvernement des États-Unis serait des gros cons. Non, mais leur dis pas, leur dis pas. Oui, comme ça, il y aura que la NASA qui enverra les trucs. Ne leur dis pas. Ne leur dis pas, jamais. Et comment dire, et du coup, eux, leur but, c'est d'envoyer, je sais pas, des navettes qui feraient des allers-retours, comme ça, pour récupérer du minerai ou et qu'ils aient l'exclusivité de cet avantage-là. Voilà. Ouais. Qu'ils soient les seuls à connaître l'emplacement de la planète et tout, qu'ils aient un avantage stratégique. Quoi. Alors que s'ils font ça, la coopération internationale, grande utopie, hein, car ça n'arrivera jamais, même au niveau de l'espace, elle pourrait, je sais pas, avoir pour but de déplacer des colons là-bas et puis pourquoi pas peupler la planète d'humains si elle est habitable. Pour coloniser tout simplement une autre planète. Ouais. Et pour sauver l'humanité qui va mourir sur Terre aussi, comme dans beaucoup de films de science-fiction. Du coup, on pourrait dire qu'ils ont prévu un truc pour calmer le volcan ou un truc du genre. Ils mettent un petit sérum physio et puis. Ouais, mais voilà, tu vois. Un peu de glaçon et c'est bon. Non, mais il faut qu'ils fassent péter une bombe, genre. Toujours. Avec du soufre. Un endroit qui fait que. Comment dire. Il y a un. En fait, les éruptions, beaucoup de gaz qui s'accumulent au même endroit. Et alors, je ne suis pas du tout scientifique, mais pour le libérer, tu le libères et comme ça fait plein de petites sorties de gaz. Comme quand tu ouvres, laisses ouvrir la bouteille de coca. Ouais. Au lieu de faire une très belle odeur de paix sur toute la planète pendant un petit bout de temps. Mais, Ça pète pas. Mais ça pète pas ensemble. Du coup, on peut dire qu'ils vont sur le volcan pour faire des repérages pour savoir où est cette petite truc de poche de gaz. Enfin, voilà. Et commencer à préparer les explosifs. Et c'est là que les schtroumpfs arrivent. C'est là que j'ai gardé les schtroumpfs en tête. Nous, l'odeur de soufre, on aime bien ça. En fait, j'ai fait un schtroumpf, Fred. Un peu. Eh oui, amis. Ils ont été envoyés. Le grand schtroumpf, c'est Fred. Oh. Non, ça n'a aucun sens. Mais ils ont été envoyés par Elon Musk. SpaceX, on voit la petite fusée SpaceX qui se déplace. Mais du coup, toute petite. Là, pour le coup. Ils sont arrivés plus vite parce que c'est une trace. Ça fuse. Ouais. Ah non, Gargamel. Putain, même là, on n'est pas tranquille, on n'est plus en Belgique. Là, eux, ils sont arrivés genre 5 ans avant en secret parce que. Tu vois, ils attendaient des êtres plus grands. Ouais. Parce que petits, ils auraient galéré, tu vois. Matrix se noue, elle se noue de plus en plus. En ce début de film. Mais en vrai, je trouve genre ça fait un peu genre les comment ça s'appelle. Les animaux qui sont sur la planète, enfin ils étaient déjà là, tu vois. La petite population, ils parlent avec un accent belge, juste, c'est tout. C'est un grand miracle de l'évolution. Est-ce que ce serait eux le danger? Est-ce qu'on les dérangerait pas? Est-ce que finalement ils en ont rien à foutre qu'on soit là? Bah non, parce que là c'est un peu ils les sauvent, non? Le volcan va leur exploser à la gueule. Et mais peut-être que pour une raison ou pour une autre. Ils attendent ça depuis des années. Voilà. Ouais, suicide collectif. Ils sont nihilistes en mode pour. De toute façon, il n'y a rien après ça. Le grand schtroumpf, c'est un chaman en fait. Les Mayas, finalement. Ouais, c'est le calendrier, leur calendrier qui va s'arrêter. C'est 2012. C'est 2012 de leur jeu. Il faut quand même trouver un danger qui fait que le chien meurt, donc j'essaie de réfléchir. Ouais, c'est vrai. À des méchants. Ou le chien, il. Parce que ça fait trop. Il mange un schtroumpf et il meurt. Là, il faut qu'il y ait un truc qui parte. Non, il est du chocolat. Il a sauté une marche et paf, le chien. On part du. Le chien est un héros et sauve quelqu'un. Il mange un schtroumpf, il meurt. Bah quoi? C'est un schtroumpf empoisonné. Bah quoi? Le film qui part en comédie, c'était. Ouais. Schtroumpf. Et là, il y a Christian Clavier. et du coup, les scientifiques. L'américain, il essaye de faire les trucs de son côté et tout. Et chaque nation essaye un peu de. Enfin, chaque personne, en tout cas, personnage, essaye de. Comment dire. De faire en sorte que. Les intérêts de son pays prévalent. Je sais pas, les Français, ils lui ont dit regarde si tu peux choper des extraits de plantes, etc., qu'on puisse ramener et cultiver là pour qu'on ait l'exclusivité et que si elles ont des ressources. Des, des propriétés. Parce que est-ce qu'on est dans un cadre où la Terre est dans la merde, il faut absolument que les gens commencent à aller sur une autre planète? Il faut qu'il y ait une mission d'urgence. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en mode juste les ressources, la moula, tout ça? Ou est-ce qu'ils sont venus en mode c'est un peu comme dans Interstellar. Un peu comme dans Don't Look Up. C'est-à-dire que sur l'astéroïde, il y a plein de matériaux qui pourraient sauver toute l'humanité en soi, parce qu'il n'y aurait plus de problème de richesse. Que tout le monde aurait de la technologie à foison et tout ce qui s'ensuit. Et là, ce serait un peu pareil. Genre, ils vont sur une planète pour soit récupérer. Chaque pays dit en vrai, officiellement, on y va pour sauver de l'humanité pour y aller. Mais par contre, officieusement, on y va pour nous avoir un avantage stratégique. Avoir plus de puissance nucléaire. Pas forcément nucléaire, mais genre. La prochaine énergie. Un truc comme ça qui pourrait sauver l'humanité sur Terre, en tout cas. Ouais. Mais qu'eux, ils auraient l'avantage et que du coup, l'argent, il arriverait dans leur pays. Okay. Là, on part sur un complot, en mode, le gouvernement fait croire qu'il faut sauver l'humanité, alors que pas du tout, ils veulent juste des richesses et tout. En mode. Non, mais c'est toujours comme ça dans les coalitions. Ouais. Il y a l'objectif commun, chaque pays essaye d'avoir l'avantage stratégique sur les autres pour leur mettre à l'envers finalement. Ouais, thème individualiste. Et du coup le français c'est récupérer des plantes pour en faire des croissants. plus tard. Nouvelle saveur de croissant. Aux plantes. C'est une nouvelle farine spéciale. Et ils veulent ramener des schtroumpfs pour faire les bonbons schtroumpfs, mais en quantité méga industrielle. Ils ont le monopole du bonbon schtroumpf. Qui rapporte pas tant que ça. C'est horrible. Il y a plus schtroumpfs en France du coup. En vrai, c'est plus vivant. En vrai, c'est pas dégueu. Les bonbons schtroumpfs. Je pensais que tu parlais de schtroumpfs vivants en fait. J'en sais rien, j'en ai jamais goûté. De toute façon, je suis végétarien, je mange pas. Mais tu fais bien. Je pense pas que c'est bon goût un vrai schtroumpf. En barbecue. Avec un petit peu de poivre. Ouais, franchement. Avec du poivron, comme ça depuis le début. Un peu de poivron, des oignons, une petite persillade. Une petite persillade. Une brochette de schtroumpf. Toute bleue. et du coup, à chaque fois je dois enchaîner. Et du coup, ouais, c'est pas grave. Et du coup, donc, chaque pays a son objectif, etc. Les scientifiques qui vont chacun dans leur coin, une fois qu'ils sont arrivés assez loin dans la jungle, on va dire, ils vont chacun de leur côté, ils font chacun des prélèvements, et après ils reviennent, ils disent. J'ai fait mes trucs. Et ils font semblant de rien avoir trouvé chacun, alors qu'ils ont, il y en a un qui a trouvé un minerai, l'autre qui a trouvé une plante, l'autre qui a trouvé un arbre. Mais du coup, quand ils sont présentés au début, on peut vraiment. Ils s'aiment pas. Parce que là, vraiment, c'est des gros faux culs quand même. Ouais. C'est oui, voilà. Il y a le minimum de communication. Ça, parce que du coup, ça rend le fait que l'américain il ait son jamais portable moins hypocrite, genre en mode. Puisque tout le monde fonctionne comme ça, de toute façon. Ouais, mais ça le rend moins méchant. Parce que lui, c'est le méchant parce qu'il sait comment les sauver, mais il va. Pour l'instant, il prépare le fait de se sauver que lui. L'ennemi du film, c'est l'individualité. C'est l'Amérique. Ils reviennent à la station. Et ils se posent la question, on sauve la planète ou on la sauve pas? Mais il faudrait qu'il soit confronté. C'est vrai, au bout d'un moment, le volcan il va exploser, je sais pas. Ouais. Mais il faudrait qu'il soit confronté à une situation qui les met dans l'impasse et où ils sont obligés de coopérer pour se sauver, quoi. Le chien a bouffé un schtroumpf, il a la diarrhée. Voilà. Et il faut des la planète se défend toujours de manière médiocre. Exactement. Il y a des bouchons sur la rocade, ils peuvent pas, ils peuvent pas ramener le truc. Des nuages malveillants. Ils peuvent pas voler. Vraiment de la brume. Qui te bloque un tout petit peu. Non, c'est juste chiant. En fait. C'est juste. Oh, on voit rien. C'est tout. On peut pas décoller. Merde. Pas vrai. Non, juste on voit pas grand chose. Les instruments, ils marchent quand même. Tout marche. C'est juste. Mais ça peut amener une. Il pleut. Une scène. Oh non. Putain, il fait froid. Ça peut amener une scène d'action sympa en vrai. Oui, il y a pas eu de scène d'action, de bagarre. Oui, justement, moi ce que je me disais, c'est quand ils rentrent à la station. Ouais. En tout cas sur leur vaisseau qui atterrit, ils commencent à s'engueuler en mode mais t'es sûr que t'as rien trouvé, je t'ai vu ramasser un truc, etc. Et là ils commencent à se rendre compte que chacun joue son double jeu finalement. On pourrait dire qu'il y a une ressource que vraiment ils recherchent tous, tu vois, en mode spécifiquement. Ce truc là prenez le genre en mode c'est collégialité, tu vois, genre en mode voilà, mais et du coup personne ne l'a trouvé, mais ils sont tous en mode c'est sûr. Du coup, ils essaient de jouer. Donc là, il y a le chinois et l'américain qui commencent à s'engueuler. Parce que c'est toujours classique. Ah ouais. Après, il y a le Brésilien qui dit hey, calmez-vous, calmez-vous. Trop bien. Il met un petit peu de samba, danse. Puis il y a le chien qui fait waf, pour rester en cliché. Le Nigérien rejoint le Brésilien, tous deux dansent. Le Français qui fait waf. Il fait waf. Il fume une clope et il prend une petite baguette là. Non, mais genre, les deux, les Chinois et les Américains, ils commencent à s'engueuler. Ouais. Et là, les trois autres pays, donc l'Africain du Sud, le Sud-Africain. Nigérian et. Non, le. Sud-Africain, Français. Brésilien. Et le Français, putain, je vais y arriver. Ils commencent à se dire ouais, non, mais tranquille, on est tous dans le même vaisseau. Et je sais qu'on a tous des objectifs différents, mais c'est pas la peine, enfin, on va jamais arriver à rien, etc. Puis il a dit, non, mais de toute façon, toi, je sais que toi, le Français, t'es là pour chercher autre chose, etc. Et là, tout le monde commence à se rejeter. Le Français, il se fait exposer. Ah, ouais, c'est vrai. Mais toi, le Sud-Africain. Vraiment, juste, il dévie la faute. Ouais, genre, toi, là-bas. Miroir, je suis qui dit qu'il y est. Et là, il se rend compte que, je sais pas, peut-être le chien trouve un truc, ou genre les schtroumpfs ont la ressource et ils les voient se balader avec. Je sais pas. C'est la salse pareille. Ouais, voilà. C'est le minerai. En fait, la salse pareille, c'est le nom de code du minerai. Ouais, c'est genre du minerai pétrole, providentiel. Ouais. C'est l'équivalent de pétrole qui nous permet de faire la fusion nucléaire, ouais, tu vois. Ouais, voilà, ouais. L'énergie infinie. Ouais. Voilà. Genre produire plus d'énergie que t'en consommes. Ouais, voilà. Ouais. Un peu comme ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Ouais. Fission nucléaire, ça commence à avancer. Comment dire? Voilà, ouais. C'est la fin. Bah du coup, il y a une scène d'action, on dit poursuivre les schtroumpfs. Course poursuivre. En fait, avec la musique de Billy. Et ensuite, la tête. Non, mais, franchement, limite, ça peut être. Mais comme dans Pirates des Caraïbes 2, en mode, dès qu'ils chopent la ressource, ensuite c'est chacun pour soi. Oui, voilà. Du coup, par une scène d'action vraiment, c'est très sympa. Genre. Et finalement, la ressource, elle finit dans le volcan et pouf, personne là. Ouais. Allez, comme ça, réglé. Après, c'est aussi le but de savoir où est-ce qu'on en trouve, parce que bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un minerai, mais ça va pas suffire forcément. Oui. Je sais pas. Mais à partir de ça, tu peux peut-être le synthétiser. Oui, voilà, ouais, exactement, exactement. C'est déjà mieux que de voir le chercher. Tu vois. Voilà, c'est mieux que et les plantes croissant. Donc là, il voit ces schtroumpfs qui sont finalement des animaux, on va dire, avec se balader avec cette ressource, ou alors, je sais pas, indiquer un endroit où il y en a. Et du coup, ils sortent, enfin, ils se regardent tous. Ils commencent à courir. Il y en a deux qui commencent à se battre et les trois autres ils commencent à partir. Ils voient qu'ils commencent à partir, ils les suivent. Et après, le volcan il tremble et tout. Et là, quand ils commencent à se battre, à attraper le schtroumpf, à prendre la ressource, puis à commencer à ce qui est une bagarre générale pour avoir, etc., ils sentent un. Genre la terre qui tremble. Ouais. Première secousse. Ouais. Et là, ils sont en mode. Musique en Zimmer, c'est le soufre, mais ça pue. En Zimmer aussi, c'est sûr. Évidemment. Musique épique. Et comment dire, et voilà, ils sentent qu'il y a un problème. Et là, merci la moto. Et là, ils se rendent compte, il faut peut-être qu'on se calme parce que là, on sait pas ce qui se passe. Et là, l'Américain, il se dit, mais si, Jamy, je sais ce qui se passe. Parce que depuis le début, ce sont les plaques tectoniques. C'est vraiment le dénouement. Tu sais faire à l'inverse. C'est le plat qui passe en dessous. Ok, on est dans la merde parce que là, le volcan il va pas tarder. Ouais. Et, mais il continue à se battre quand même. Oui, et ils se disent, à chaque fois ils se disent absolument, il faut qu'on y aille. Voilà. Ok, les gars, peut-être qu'on se calme. Donne-moi ça. Et il le chope par le callback. Ouais. Mais justement, là, peut y avoir une scène un peu épique où justement il continue un peu à se battre. Et il y en a, ils vont au volcan et le chien il sauve quelqu'un parce qu'il sait pas où, je sais pas. Tout, genre. Bah pendant la baston, il y en a un qui a failli tomber dans une sorte de précipice, on va dire. Et puis il peut se battre près du volcan. Et le chien, des anneaux à fond. Le chien, il a les colis de traduction, il fait mais arrêtez, arrêtez. Vous allez jamais sauver l'humanité comme ça, arrêtez. Arrêtez, je suis australien. Et eux, ce qu'ils entendent, c'est waf, waf. Mais waf, enfin. Voilà. Ouais, pas mal. Avec l'accent australien, mais je n'aurais pas le faire. Waouh. Le tout sur une musique très mélancolique. Ouais. Beaucoup de drama, un peu. Mais ça peut être marrant. Et puis peut-être que les schtroumpfs peuvent jouer tout un rôle là-dedans. Je sais pas. Pas trop. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait une scène où on suit le chien, parce que les chiens, c'est pas. Ouais, on dit que c'est con, mais souvent, enfin, des fois, quand il y a des personnes qui sont en danger, ils savent qu'il faut aller chercher de l'aide. Ouais. Ils ramènent une trousse de toilette, de soins. Tiens, ta brosse à dents. Ah mec, tu... même moi, je pue pas. Je suis un chien. Tu pues plus que moi et je suis un yinche. Brosse-toi les dents. Tiens ton déodorant Axe. Dark Temptation. Mec, tu pues. Il le lui dit, tu pues. En gros, ça fait waf waf. Waf waf waf. Et donc, une trousse de soins. Ouais. Et là, y en a, ils sont tous un peu KO, mais surtout, il y en a un qui est blessé. Il le laisse un peu à l'abandon, les quatre autres, et commence à courir dans le sens opposé. Et là, le chien, il se dit ok, enfin, il se dit rien, mais enfin, il se dit waf waf, mais il fonce au vaisseau, il ramène la trousse de soins. Il la ramène au gars parce qu'il, je sais pas, il saigne et tout, et il se fait merci. Et il s'enroule un bandage et tout, et ça le sauve et ça lui permet de marcher, etc., pour retrouver le vaisseau. Ouais. C'est beau. Et en course, le chien s'est blessé, il n'arrivera pas à rejoindre le vaisseau. Ouais. Et c'est comme ça qu'il meurt. Genre, en fait, il est un tout petit peu derrière pour l'aider à avancer avec la truffe, là, il le pousse un petit peu. Et. Faut que ce soit un grand chien, parce qu'un chihuahua, ça va plus. Ah, c'est un berger australien. Hein. Ah oui, bah oui, c'est bien sûr. Plutôt balèze. Hein. Là, du coup, il décide de fuir la planète. Moyen. Totalement moyen. On rejoint le vaisseau et on se casse à cause du volcan et tout. Ouais. Ah ouais. Genre, non, justement, là, tous, ils vont au vaisseau dans le but de se barrer. Mais quand ils voient qu'au loin, il y a le chien qui est blessé et puis l'autre gars est blessé, ils ont le temps d'en ramener qu'un seul en le portant parce qu'ils n'arrivent même plus à marcher les deux. Ouais. Et ils choisissent de sauver l'humain. L'humain. Mais ils se disent... Même si c'est l'Américain. Ils le regardent. Surtout parce que c'est l'Américain. Non, mais justement, ouais, ça peut être l'Américain. Ils le regardent en mode... Du coup, le spectateur est méga frustré. En mode, mais putain. On va sauver cette planète pour toi, Bobby. Le chien s'appelle Bobby. Il s'appelle Bobby. Il s'appelle comment ton chien? Ralph. Eh ben, il s'appellera Ralph. Oh, ce sera le monde de Ralph. Le monde de Ralph. Hop là. De Ralph 2. Non, 3. J'ai eu un 2, oui. J'ai déjà eu un 2. Et c'est dans 3. Internet. C'est vrai en plus. Oui. C'est avec des mèmes. Ouais. Et comment dire, voilà. Ouais, ils se disent ok, là, il faut vraiment qu'on se bouge un petit peu. Ouais, la morale de l'histoire, ça peut être vraiment l'humain est une merde et putain, ils auraient dû sauver le chien, quoi. Exactement. Oui. Et parce qu'après ils apprennent, ils entendent le allô, t'es encore là, t'es encore au téléphone. Ouais, ah oui, j'ai la scène de fin. T'avais accès aux informations, tu ne l'as pas dit. La scène de fin, ça peut être mais alors, Jamy ? Et genre tout le monde est gros blanc. What happened ? Ou alors, me dis pas que t'as téléchargé des épisodes de C'est pas sorcier avant de partir. Comment ça, c'est en direct ? Comment ça, c'est en direct ? Et la musique se déclenche. Générique. Ah ouais, genre le vaisseau qui part. Incroyable. Ils ont foutu la merde et repart. Non, mais quand le vaisseau explose, quand le volcan explose, ça fait. Ah oui. Au ralenti, évidemment. Bah, du coup, le film serait vachement badant au final. Enfin, non, mais. Attends, j'ai pas fini mon idée. Il y a une scène post-crédit. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est genre, là, c'est pas la fin du film parce que il rentre dans le vaisseau, il dit putain, t'avais les informations, etc. Et là, il craque. L'Américain, il dit juste. Il est sur le point de s'évanouir. Je sais pas, mourir ou s'évanouir, on s'en fout un peu, mais il dit pour Bobby. Et là. Un peu comme le pauvre Frodon. Mais là, ils se regardent tous, ils sont un peu l'air con, tu vois. Et ils sont en mode ok, on va essayer de faire quelque chose pour sauver cette planète. Mmh. Parce que c'est le seul espoir de l'humanité, que ce soit pour les minerais ou pour y habiter. Du coup, ils foncent vers le volcan, tant bien que mal. Avec le vaisseau, ils s'envolent et ils dropent une bombe, parce qu'évidemment, ils ont une bombe dans un vaisseau. Ah oui, sûr. Il y a un Américain dedans. Le vaisseau, ouais, voilà. Vous vous faire péter. C'était pas sa guerre. le bodybuilder, c'est l'Américain, du coup, c'est Stallone. Stallone. C'était vieux, pas évidemment. Ma planète, putain. Et là, il fait péter le volcan. Et enfin, ils font péter le truc à côté du volcan pour que le gaz il s'échappe, etc. Et là, ils font oh, ça fouette. Ça pue le soufre. Il y a la vanne chiante. Non, moi, je veux juste qu'ils disent ça fouette. Je trouve ça marrant. Ça schlingue même. Exactement. Mais là, ils sont contents parce que ils savent que le volcan est sauvé. Mais par contre, ils n'ont plus assez d'essence pour redémarrer. Donc, c'est soit ils réatterrissent Quoi ? Oh non, on l'écrit, t'inquiète, tu peux sauver. Oh les pauvres. Tu peux changer. Non, je suis trop dans l'histoire, les pauvres. Tu peux changer, tu peux changer. Oh non ! Mais soit, enfin, ils ont plus assez de, tu sais, la poudre de combustible qu'ils mettent dans les réacteurs. Ouais. Ils en ont plus assez pour redécoller. Ah oui, ils ont plus assez d'énergie, ouais. Soit ils mettent ce qui reste pour aller en ligne droite jusqu'à la Terre, parce que du coup, tu consommes plus de carburant vu que t'es dans l'espace. Et dans l'espace, personne ne t'entend crier, déjà. Soit ils réatterrissent, mais du coup, ils restent là, ils communiquent toutes les infos au truc. Enfin, à la coalition, là. Mmh. Et voilà. Donc là, ils doivent faire ce choix cornélien que je vais vous laisser faire. Ou alors, toutes les ressources que chacun a pris individuellement, ils se sont tous cachés qu'ils les avaient prises. Et finalement, ensemble, en mettant leurs ressources ensemble, et ben, ils arrivent à rentrer. Le tout petit truc de minerai, en fait, équivalent à 4 tonnes de combustible. Et à 5, 5 comme ça. À 5 petites pépites. Voilà, des petites pépites. Des petites pépites. Et ils arrivent à rentrer sur Terre et du coup à renvoyer. Enfin, on voit dans le futur, genre 20 ans plus tard, qu'il y a des petits enfants qui sont nés sur la planète là-bas. Non. Voilà. Mmh. j'aime bien la pierre. Avec une statue du chien, du coup. Ah oui, évidemment. Oui, avec les schtroumpfs qui dansent autour. Et la planète est baptisée. La schtroumpf là. Exactement. La petite être là. J'aime bien cette fin. Ouais. Je sais pas vous. C'est Phil. Bah, moi, c'est Phil. Il y a personne qui meurt du coup aussi. Bah, le chien. Bah, le chien. Le chien. Non, mais c'est vraiment bien, bien triste. Hein. Mais et le fait, comme dans Je suis une légende. Mais je pense que le fait que vraiment. Soit l'innocent qui meurt. Ce soit pas l'américain qui crève est vraiment putain de rageant. Ouais, ouais, bah, moi, ça me fait chier. Et c'est moi qui l'ai écrit. Et en même temps, comme ils se sont dit, on va quand même le sauver, même si c'est un bâtard et tout machin. Un bâtard. Ils l'ont sauvé. Tu parles du chien ou de l'américain. C'est pareil, c'est un chien. Et ils ont sauvé l'américain. Et c'est l'américain qui leur a permis d'avoir après les informations, etc. Donc en le sauvant, c'est quand même la solidarité qui a sauvé. Ouais, de ouf. S'il l'avait dit plus tôt, le chien, il serait pas mort plus. Donc je sais pas trop si. Ah, mais tout à fait. Hein, non, mais... Oui, mais du coup, la morale, c'est on peut toujours apprendre de ses erreurs. Ouais. Et c'est ça qui les a sauvés eux à la fin. Il faut se centrer. Exactement. Parce que leur erreur leur a coûté la vie du chien. Mais non, en l'occurrence, individuel. Ils ont réussi à corriger le tir. Et la planète, faut qu'elle s'appelle Bobbyland, du coup. Bobbyland. Playmobil, en avant les histoires. Playmobil. Oh, joli. Pas mal, ça. Ouais, je sais. Et le film, il s'appelle comment ? Parce qu'il a pas de titre. Bah voilà. Ah, le titre, on en arrive au titre. Ouais. Oulala. Sachant que nous, on est très, très... dans l'intérieur de nuit, en tout cas, je suis très, très friand des jeux de mots. Ouais. Et le titre du dernier épisode, alors les spectateurs vous le savez, mais vous ne le savez pas, ça parle d'un trader et s'appelle Très Dingue. Waouh! Pour dire très dingue. Incroyable! Ok, on a le concept. Voilà. Non, mais après, on peut partir sur un film complètement, genre un titre complètement random, hein, mais, C'est pas drôle. Mais ce sera le titre de l'épisode également. Donc vous le connaissez, ceux qui écoutent, mais nous on est encore là, on est dans le passé. C'est un peu de la science-fiction, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Ah, c'est pas facile, hein. Je réfléchis avec Bobby dans le science-fiction. Mmh. Non, c'est un plus un titre de porno, ça. C'est pas machin. En référence à c'est pas passé. C'est pas Bobby. C'est pas compliqué de vivre ensemble, merde. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, en fait. J'aurais pu être le titre alternatif de Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu. Ouais. C'est pas compliqué de vivre ensemble, bordel de merde. En vrai, ça passe, hein. Les schtroumpfs dans l'espace. C'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment deux vivre ensemble, putain. C'est encore pas sorcier. C'est toujours pas sorcier. Exactement. Ah, on peut appeler ça le soufre. Ouais, le soufre. La laine. Souffre. Ah, la laine, il est pas mal. Souffrir. Ouais, genou avec la laine. Ah ouais. Ça pue ici. Ah ouais, souffrir. Sous-titre. Souffrir, c'est pas mal. Ouais, souffrir 2042. Extinction. Alors, le titre, parce que là, je vais sans doute couper nos moments de digression. Mm. Vas-y, tu me dis quand t'es prêt. Le titre du film sera... J'espère qu'il vous a. On va mettre le son. Le titre du film sera donc. Prononcé au ralenti. Qui veut dire le soufre en islandais, c'est ça ? Oui, tout à fait. Breinstein. On peut rajouter une date pour quand même dire que c'est un film de science-fiction. Breinstein, 2075. Pas mal. Ça passe bien. Parce que c'est un chiffre impair. Oui, c'est pas mal du tout. Parfait. Voilà. C'était laborieux, mais c'était très drôle. Oui. J'ai beaucoup aimé. On est passé par plus de chemins que l'épisode précédent. Ouais. Ah ouais. Mais toujours, il y a beaucoup de pistes. Pas mal de blagues. On n'aime pas la ligne droite ici. Après, on n'a pas choisi. On va peut-être un peu débriefer avec les auditeurs. Science-fiction, on n'a pas pris le truc le plus simple. Non. Hein, non. Ouais. Mais souvent ouais. Dans l'interview, avant que je le fasse avec le crible, les épisodes les plus foireux sont, en tout cas à faire, sont souvent les plus drôles à réécouter. Mmh. Et les trucs avec les films à scénario, c'est souvent les films où on galère le plus et finalement on fait que des vannes. Parce que là, en soi, l'histoire elle est pas ouf. Non. Ah oui, vraiment. Mais le coup des schtroumpfs, près des jamis, c'était très incroyable. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était bien. Génial. À vous, ouais. Super. Et bien sûr aux auditeurs. Sur ce, je vous dis au revoir. À très bientôt, les auditeurs. Un petit dernier mot, chacun. Lise, par exemple, vas-y. Un dernier mot. Bonne nuit. Ok. C'était Simon. Ouais, c'était pas juste une maquette. C'était Jamy. Gargamel. Ok. Et je dirais de mon côté, waf. Et toi, Antonin ? Moi, ce serait. Et j'ai appelé Job que. Merci de nous avoir écoutés. À dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera sur. J'ai oublié, je sais plus, vous verrez bien. On verra. Les teen movies peut-être, Netflix. Je sais non, pas. Non, les teen séries Netflix. Ils le savent mieux que moi alors que je ils y seront pas et moi oui. Allez, au revoir, merci de nous avoir écoutés. Ça pue, dis donc ici. Moteur. C'est beau, une ville qui dort. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Parce qu'on vit la nuit. On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. Ils ont transformé mon scénario en film pornographique. Moteur ! Allons-y ! Moteur ! Oh putain, moteur !